les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est en apparence un film policier de structure classique. Au cours d'une enquête sur un trafic de drogue, l'inspecteur Mangin fait la connaissance de Noria, la petite amie d'un dealer. Il en tombe amoureux et le film devient le récit de leur histoire. L'inspecteur Mangin, c'est Gérard Depardieu, Noria, c'est Sophie Marceau et le film s'appelait sobrement, ou comme un trompe-l'œil, Police. Septième long-métrage de Maurice Pialat, 5 ans après Loulou et 2 ans après À nos amours, il fut aussi son plus grand succès commercial. En septembre 1985, Claude Jean-Philippe lui consacrait 2 émissions. Pour la première, il avait reçu Pialat lui-même, qui disait ici surtout son amertume à l'égard de Sophie Marceau ou de Catherine Briat, co-scénariste du film, avec lesquelles il s'était violemment et durablement brouillé. Pour la seconde émission, c'est 3 autres collaborateurs du cinéaste qui avaient été invités. Le scénariste Jacques Fieschi, le monteur Yann Dedet et le chef opérateur Jacques Loiseleux. Il faut écouter ce dernier raconter la méthode de travail de Pialat, si particulière, et décrire ce lieu hermétique qu'est un plateau de cinéma, incompréhensible sans doute à qui l'observe sans y prendre part. Cette seconde émission fut aussi la dernière du cinéma des cinéastes. Première diffusion, les 8 et 15 septembre 1985. Voici donc la reprise pour cette saison du cinéma des cinéastes, avec un film qui s'intitule Police, et dont nous parlons une première fois ce soir, mais dont nous reparlerons, dont nous serons certainement amenés à reparler à de très nombreuses reprises, parce que c'est sans doute un des films les plus riches, les plus forts, les plus vivants que le cinéma français ait pu nous donner ces dernières années. C'est un film de Maurice Pialat qui se trouve être avec nous ce soir pour en parler, mais après tout pour parler de ce dont il voudra parler, puisque... Alors là, je dois dire une chose, Maurice Pialat, vous m'avez dit en arrivant, je crois que je vais refuser désormais tous les interviews, tous les entretiens, ce que pour ma part, je comprendrai très bien. Mmh. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je comprendrai très bien, parce que d'abord il y a quelque chose de faussé dans le jeu, hein, c'est-à-dire que le film parle suffisamment par lui-même pour que, c'est la chose que disait Fritz Lang, si je suis obligé après d'expliquer, c'est que le film n'est pas bon, puisque, bon, alors ça c'est, bon, c'est déjà, sur le principe, tout à fait exact. Mais alors, il se trouve que, en ce qui vous concerne, ça devient de plus en plus, exact dans la mesure où, alors j'ai bien senti dans le petit texte que vous avez qui est de vous dans le dossier de presse, j'ai bien senti à travers les entretiens avec vous que j'ai pu lire ici et là, il se trouve que je comprends admirablement votre méfiance à l'égard de toute espèce d'étiquette et même de mots par rapport à un film comme celui-là, c'est-à-dire, je comprends très bien que vous soyez méfiant à l'égard des étiquettes qu'on vous a déjà accolées, à savoir la chronique, l'hyperréalisme, la violence, toutes choses qui ne correspondent à rien une fois qu'on est assis dans la salle de cinéma et qu'on regarde le film se dérouler. Puisque alors là, les mots sont impuissants à faire valoir, ou alors il faudrait être un grand écrivain. La richesse de ce qui se déroule sous nos yeux sur l'écran. Ou un grand cinéaste, c'est-à-dire... Plutôt oui. Un grand cinéaste. Qui est un grand cinéaste qui sera un grand écrivain. Vous nous faites l'amitié de venir. Moi, à vrai dire, j'aurais des questions à vous poser, mais peut-être pas directement sur le film, parce que quelque chose qui m'a terriblement frappé dans le petit texte que vous nous avez donné dans le dossier de presse, c'est Shakespeare. Oui. Et c'est vrai que quand on voit Police, il y a bien cette force-là, toute proportion gardée, bien entendu. Oui, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est d'ailleurs terrible qu'à notre époque, on soit obligé de dire pour tout le monde, hein, je ne parle pas de moi, qu'on soit obligé de dire toute proportion gardée, parce que, après tout, Victor Hugo, qui est loin d'être est un écrivain que je n'aime pas beaucoup, je dirais que je n'aime pas du tout, même quand il était vivant, il devait d'ailleurs lui-même se croire Shakespeare et d'autres, Virgile, Homère, tout ce qu'on veut, il devait tous. Et probablement que de son temps, on ne devait pas penser de Victor Hugo toute proportion gardée. J'ai pas de complexe vis-à-vis de Victor Hugo, Shakespeare, n'en parlons pas. Mais ça montre quand même que c'est assez petit ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a pas un cinéaste, par exemple. Si je l'entends dire, moi je suis pas d'accord, mais je l'entends dire pour Kurosawa, mais je pense quand même pas que Kurosawa ça soit Shakespeare. Je pense même que c'est pas si extraordinaire qu'on le dit. Mais en tout cas, c'est pas Shakespeare, mais on le dit de Kurosawa. Oui. Enfin, il se trouve qu'il n'est pas français. Mais Shakespeare, oh, écoutez, peut-être parce qu'il y a le mélange, comme vous dites, toute proportion gardée. Alors, Shakespeare, on peut penser au mélange des genres. C'est-à-dire que c'est à la fois assez comique, assez bouffon, disons plutôt comique, et puis volontairement d'ailleurs, c'est pas involontaire, et puis qui a une certaine gravité, j'aime pas le mot gravité non plus, enfin qui a une sorte de tristesse, de dramatisation, enfin c'est je sais pas quel est le mot en France pour le mélange des genres, qu'on a toujours refusé avec nos fameuses règles classique, c'est comment on disait, c'est pas l'opéra bouffe, c'est quoi, c'est d'ailleurs là je parle de musique plus que de, comment on appelle le style, mélodrame peut-être, non, et encore il y a pas vraiment de mot en français effectivement, on passe enfin comme dans Shakespeare, ouais. Quoi, du rire aux larmes, enfin tout au moins à l'émotion. Moi quand je pense à Shakespeare, je pense à quelque chose qui est au centre de nos vies, comme au centre de ce que nous aimons dans les films, dans les romans, dans les histoires, c'est l'intensité. Pour qu'il y ait intensité, il faut probablement que tout soit mêlé. Le sang, les pulsions, l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors, tout ce qui se joue dans Police. Oui, si vous voulez, moi je l'accepte en tant que la... Ça fait toujours un peu... Bah, bien sûr qu'on le sait, mais c'est un peu comme le champion d'athlétisme des départements qui regarde les Jeux Olympiques à la télé, et ça le dégoûte pas de faire de l'athlétisme, mais enfin ça, il y a quand même une certaine tristesse. Je dis ça pas par rapport à des athlètes contemporains que je trouve généralement d'un niveau très très bas. Nous parlons de Shakespeare, hein, n'oublions pas que nous parlons de Shakespeare. Pardon, des athlètes cinématographiques. Oui, les athlètes cinématographiques, oui. Eux, ils sont tous au niveau départemental, je crois, dans le monde entier. Et pourquoi, à votre avis ? Ah ben, je sais pas, c'est pas une époque très favorable à notre... Oh, il n'y a pas que le cinéma, même pas le moyen. Et je sais plus qui me sortait encore l'autre jour. C'est pourtant, il est gentil, je l'aime bien. C'est Denisot qui me sortait avant-hier soir. Quels étaient les chefs-d'œuvre du cinéma pour moi ? Et je lui ai répondu, c'est le cinéma qui est un chef-d'œuvre, mais finalement, je vois pas de chef-d'œuvre au cinéma. Ah oui, c'est ça, c'est une réponse magnifique. L'autre soir, j'ai voulu revoir, bien que ce soit en version française, Notorious, qui étant certainement un des plus grands films parlants, hein. Je crois que... Oui. Et même les gens qui n'aiment pas Hitchcock ont de la peine à critiquer ce film, même s'ils n'aiment pas d'autres œuvres d'Hitchcock. Et en même temps, il y avait, dans une mise en scène très contestable, et en tout cas pas cinématographique pour un rond, il y a eu, ce soir-là, je crois que c'était, je sais plus si c'était L'Or du Rhin ou La Valkyrie, de Wagner, et j'ai pensé que Wagner était quand même un bien plus grand cinéaste qu'Hitchcock. C'est même pas comparable. Hitchcock, il est tout petit à côté. Et je crois qu'on peut parler de cinéaste pour Wagner aussi, parce qu'avant que le cinéma existe, ça existait le cinéma, et je pense que c'était l'opéra qui en était le plus près. Puis Shakespeare aussi, bien sûr, mais Shakespeare, cette chose, quand même, je trouve assez bête qu'on dit aujourd'hui. Si, franchement, on tombe par terre quand on entend des choses comme ça. Combien de fois on l'a entendu? Si Shakespeare vivait de nos jours, il ferait des films. Ou il ferait de la télé. La Belle Affaire. D'abord, ça n'a pas de sens. Shakespeare, on sait qu'il n'a pas existé. Et que c'est sans doute vrai. Parce qu'on peut pas, exister. Shakespeare s'est forcé qu'il n'ait pas existé. Mais, alors donc, comme il n'a pas existé, il ferait du cinéma, de la télé. Je crois pas, moi, parce que, si c'est, ça, bah d'abord, de toute façon, on aurait un Shakespeare au petit pied qui aurait quelques neurones qui se seraient fait la malle quand même pour travailler aujourd'hui à notre époque. Mais quand même, cette idée que le cinéma est un chef-d'œuvre, voilà, vraiment, c'est... Oui, le cinéma, c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui, c'est ça. Oui, vous pouvez pas en mais dire seulement, un peu plus. Oh, bah, je crois que excusez-moi, je crois que j'ai tout dit. Parce que c'est vrai, l'ensemble du cinéma est un chef-d'œuvre. Et plus on va vers la source, c'est-à-dire, plus on trouve de... Pourtant, j'aime pourtant pas le muet. Ça a faussé le jeu, quand même, le muet. Mais quand même, plus on va vers la source, plus... Oh, ça, c'est des mots qui, si vous cherchez, j'aurais déjà dit à peu près devant votre micro. Et Lumière, c'est presque un film de Lumière, puisqu'on peut en prendre un. Disons, allez, La Sortie des Usines, Lumière, justement. Eh bien, plus on va vers la source, plus un film ou une œuvre est un chef-d'œuvre. Mais après, ça se gâte quand même, je crois. Parce que là, à ce moment-là, quand Lumière filme ça, même si c'est controversé qu'il ait inventé le cinéma, qu'on l'a inventé dans 36 pays à la fois, enfin 3-4, Popov, puis je sais pas qui d'autre, comment il s'appelle là, l'Américain hein, Edison. Edison. Edison, oui. Edison. Il y avait un Anglais et un Allemand aussi. Aussi, mais pas Popov. Parce qu'à un moment, il y avait toujours Popov qui avait inventé tout. Mais donc, il y a 4 opéras à peu près en même temps. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que les films de Lumière sont très supérieurs aux autres. Il n'y a pas que l'invention. Donc, il a inventé l'art cinématographique aussi, si je peux dire. Et là, il y a tout, quoi. C'est ça. Pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est Jean-Pierre Assam qui m'avait appris. Je sais pas où c'est qu'il avait lu ça, mais il avait certainement lu quelque part. Il avait pas inventé. Quoi qu'il se gênait pas pour inventer des trucs. En particulier, justement, il citait la sortie d'Usine Lumière. Ce n'était pas du reportage puisque les gens sortaient. Ça l'allait pas. On les faisait rentrer. Ils ressortaient. Donc, ça y était. On commençait à faire de la mise en scène. Il allait même jusqu'à dire que le train en gare de la Ciotat, il avait reculé, qu'il avait fait une autre arrivée. Mais... Ça, je sais pas, il n'y a pas eu de tamponnement. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, mais il est certain qu'il y a différents plans, il y a différentes prises du même plan, puisque il est bien évident qu'ils n'y arrivaient pas du premier coup, et que donc ils avaient une minute de pellicule dans la caméra, et que donc il est bien possible qu'ils aient pris, qu'ils se soient dit de là, ce sera mieux, il y a sans doute effectivement déjà, non, mais sûrement déjà mise en scène. On parle du cinéma, mais personnellement, en voyant Police, et en y repensant, parce que j'y repense depuis que je l'ai vu, en fait, c'est ça la force d'un film, c'est de vous obliger à y penser depuis qu'on l'a vu. Moi, j'en suis sorti bouleversé, personnellement, atteint. Et j'y pense depuis. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu aller le revoir parce que, je sais pas, une espèce de peur. J'irai le revoir avec quelqu'un, probablement, bon. Mais en même temps, je sais que vous avez été peintre. Et je me dis, bon, un peintre, c'est quelqu'un qui a en tête, qui a devant lui une surface qui est un tableau, et où il est, où le travail consiste pour lui à équilibrer les éléments de la toile. Oui. Les couleurs, oui. Les volumes, c'est la composition, je suppose que c'est quelque chose qui saute aux yeux d'une certaine façon et qui en même temps se réfléchit, qui suppose qu'on recule, qui suppose qu'on laisse tomber la toile, qu'on la reprenne quelques jours plus tard, qu'on efface complètement une partie, qu'on efface complètement tout, qu'on reprenne quelque chose. Bon. Et je dis, enfin, tout de même, c'est une surface. Donc, il y a quand même un premier coup d'œil qui permet d'avoir une émotion. Alors, je me dis, quand même, voilà, Piala qui fait ça avec un film, il dure combien votre film ? 1h55. 1h55. Qui a 1h55 dans la tête, parce que vous pouvez pas le dérouler d'un coup, et qui équilibre absolument tous les instants, tous les moments, toutes les scènes, toutes les séquences, et qui les équilibre de telle sorte que, pour nous, voyant se dérouler le film, moi, le sentiment que j'ai, c'est celui d'une composition... je dis pas parfaite, mais d'une composition telle que tout devient vivant. Que tout devient vivant. Je prends un exemple. dans une scène. Je sais bien que c'est pas un commissariat. Comment dit-on déjà? C'est une brigade territoriale ou une division de police judiciaire. Bon, dans une scène qui se déroule à la brigade territoriale, Depardieu, qui joue le commissaire Mangin, s'intéresse d'ailleurs à une affaire qui n'est pas vraiment la sienne. Oui. Et cogne la tête violemment contre une table d'un suspect qui est accusé d'avoir fait d'ailleurs quelque chose de très très profondément dégueulasse avec une vieille dame, etc. Mmh. Bon. Et le suspect, bon, il lui casse le nez, il saigne. Bon. Et c'est suivi d'ailleurs de quelque chose d'assez rigolo, puisqu'il y a l'histoire de la chemise de remplacement, etc. Et puis alors, plusieurs scènes plus loin, je ne sais pas combien de minutes plus loin, incidemment, comme ça, on retrouve ce personnage qu'on avait complète, dont on ne sait même pas, du tout ce qu'il était devenu, etc. Et qui invite Depardieu, Mangin, à boire un pot. Alors bon, c'est un magnifique équilibre entre deux éléments, ça. Qui vous amène à réfléchir sur beaucoup de choses, c'est-à-dire à savoir que, après tout, on comprend très bien pourquoi, étrangement, bizarrement, sans qu'on puisse se l'expliquer vraiment avec des mots, le type lui en veut pas. Mmh. Et même, il s'est passé quelque chose entre eux. Comment est-ce que vous arrivez à tous ces équilibres? Parce que là, je ne donne qu'un de ceux, un des plus visibles, un des plus grossiers, parce que j'ai beaucoup réfléchi, il y en a d'autres, mais alors il faudrait un quart d'heure pour, et c'est pas moi qui dois parler, c'est vous. Je sais pas, équilibre, c'est vous qui le dites. Moi, je vois pas ça en termes d'équilibre, mais bon. En fait, j'ai pensé qu'à une seule chose, ce comédien qui m'avait paru excellent et qui avait donc une scène, je me suis dit, tiens, ça serait quand même dommage de ne pas le revoir. Et comment peut-on le revoir autrement qu'à la fin, parce que c'est à la fin, c'est l'avant-dernière scène du film, vous citez. Mmh. Autrement qu'à la fin, parce qu'il faut quand même qu'on ait l'impression qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Or, en réalité, si on cherche, si on calcule, on s'aperçoit qu'il s'est écoulé pas tellement de temps, 3 mois, quoi. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? On me l'a reproché, cette séquence avec ce type, là, qu'on appelle le nez cassé dans le film, parce que on m'a dit, ah bon? Alors, donc, ce type, il a coupé les doigts d'une vieille pour, en braquant une banque et il est relâché. Bon. Alors, ça peut passer pour une espèce de poujadisme sommaire, comme on critique actuellement le laxisme de, enfin, les prisonniers libérés ou en permission. J'avoue que j'y ai forcément pensé parce que effectivement, il n'est pas dit qu'il ait fait ce crime ou pas. Oui, rien ne prouve dans le rien film. Rien ne prouve que parce que c'est pas parce qu'une vieille a cru le reconnaître. Oui, oui. Enfin, ceci s'est présenté dans le film de manière assez évidente que la pauvre femme a l'air de ne pas le reconnaître précisément, de dire ce n'est pas lui. Oui, mais c'est une façon de dire c'est lui. Oui, enfin, oui. Bon. Non, mais c'est formidable. Alors, de deux choses l'une, quand on le revoit à la fin, je réponds pas à votre question. Mais deux choses l'une, où il a effectivement coupé le doigt, et donc ça veut dire qu'il s'est bien débrouillé, il a réussi à être lâché, ou alors on a reconnu qu'il n'était pas du tout coupable dans cette affaire et il est sorti. Voilà, c'est, on ne sait pas. D'ailleurs, Depardieu ne lui pose même pas la question parce que je crois qu'il doit, ils doivent avoir l'habitude de ce genre de choses. Moi, s'il y a, vous savez, c'est peut-être décevant ce que je vais vous dire, mais j'ai plus surtout pensé qu'un personnage qui était, même s'il est antipathique, attachant dans le film, ça serait intéressant de le revoir à la fin, quoi. Et justement, comme ça, je l'ai pas essayé sur ce seul personnage de boucler les personnages comme ça. C'est quand même ce qui, c'est une recette assez presque, on pourrait dire naïve, mais enfin, ça vaut ce que ça vaut et naïve est pas le mot, mais enfin, c'est la construction d'une œuvre dramatique ou d'un film, ça ne demande pas un ordinateur. C'est simple, mais c'est simple mais difficile à appliquer. Bon, et je crois que quand on fait revenir des personnages marquants, secondaires mais marquants dans un film ou dans une pièce d'ailleurs, on a moins l'impression de la chronique, on boucle davantage. Moi, ça a été ça surtout à quoi j'ai pensé. Puis en fait, ça m'amusait de revoir ce type que je trouvais très bon, quoi. Justement, à propos de ce retour de ce personnage-là, le nez cassé, est-ce que c'est venu dans le tournage ou bien où c'est venu? Oui, bien sûr. Mais à la fin, à la fin. D'ailleurs, c'était pas comme ça. Gérard, dans une fin que je regrette absolument pas, parce qu'il y avait aucune raison de déboucher là-dessus, rien dans le film le préparait, ça aurait été gratuit. Mais j'y songeais à une fin plaquée, parce que ça, c'était la grande théorie de Lobovici, qui a failli le produire, ce film, là, que j'ai vu quelque temps avant sa mort. Et bon, nous parlions, il connaissait le sujet, nous parlions comme ça de ce sujet, entre autres, mais d'autres sujets aussi. Il disait, il faut toujours, ou même encore d'un autre sujet plus, disons, délicat que celui-là. Et lui, il disait, il faut absolument mettre une fin, quitte à ce qu'elle soit artificielle, il faut qu'il y ait quelques minutes à la fin d'un film pour que, et tout le monde sait que c'est faux, mais ça n'en, d'abord c'est faux. Jusqu'à quel point, hein, à la fin de Don Juan, quand Don Juan va à l'abîme, aux enfers, pour tout le monde, Don Juan s'arrête là, mais après les personnages reviennent et poussent la chansonnette là. Bah, non, c'est pas faux. Puis aussi la fin des Noces de Figaro, puis de presque toutes les pièces de Molière, hein. On a l'impression de fin plaquée comme ça. Et est-ce que dans le fond, elles sont si plaquées que ça? Parce que c'est quand même, la vie continue, quoi. Et donc là, je ne l'ai pas encore fait, je le regrette d'ailleurs, mais parce que les idées qu'on pouvait avoir n'étaient pas bonnes et que finalement, je préfère celle qui est dans le film. Parce que si Gérard avait été descendu, mais même pour une autre histoire, pour une autre affaire, ça aurait été tellement... Ça permettait peut-être une faire d'une scène violente, spectaculaire, qui est une espèce d'émotion. Parce que par exemple, dans cette scène-là, tout d'un coup, cette tour Marceau, là, elle aurait eu quand même quelque chose d'humain. On pouvait laisser penser que... Sinon, elle l'aimait, que tout au moins, elle était touchée, quoi. Donc, cette fin pouvait très bien s'envisager quand même. Bon. Et puis, Gérard, moi qui suis jamais inspiré par d'autres films, j'avoue que si je l'avais fait, cette fin-là, ça aurait beaucoup ressemblé à la fin du bookmaker chinois, hein, où on peut se demander si... Moi, je pense qu'elle est grave, la blessure, qu'il va peut-être en claquer, surtout qu'il se soigne pas, qu'il va pas se faire secourir, hémorragie interne. Mais on sait pas, peut-être qu'après tout, c'est peut-être un truc juste du cuir, de la surface, comme ça. Je pense qu'on est dans l'équivoque complet, là. Oui, complètement. C'est d'ailleurs très beau. Mais Gérard, ça aurait été certainement plus net, quoi, que... Et il se retrouvait comme ça au matin sur un banc parce qu'il pouvait plus marcher, qu'il était crevé. Sinon, je joue pas du tout sur le mot crevé. Et puis il se retrouvait à côté de l'autre, là, qui était là. Il restait à côté de lui, quoi. C'était encore. Mais il y avait toute une fin comme ça qui était très Golgotha, où il était avec le mauvais larron. C'était un peu des gros symboles, et je préfère ce qu'on a tourné quand même. Je crois que le public aussi aujourd'hui préfère ça. Mais d'ailleurs, c'est très curieux parce qu'il n'y a pas que la fin. La façon même dans le film. Progresse comme ça dans notre esprit quand on le regarde, c'est on part sur une hypothèse dramatique qui est celle de trafiquants de drogue qu'il faut coincer et qu'il faut arrêter, il faut compléter le dossier de celui de Marseille, etc. Bon. Et puis on est dans un réalisme, on est dans le réel puisque on est dans la vie jusqu'au cou. Et puis soudain. Et puis soudain, rupture de style. Alors, ce que je trouve totalement magnifique, c'est que vous avez réussi à maîtriser l'impossible, à savoir la rupture de style entre un dialogue qui est un dialogue de réalité, disons, et soudain un dialogue qui est celui de la voiture, celui de la scène dans la voiture entre Depardieu et Sophie Marceau, et qui soudain devient d'une certaine façon un dialogue un peu plus littéraire, un peu plus le fameux réalisme poétique. Non, rien à voir. C'est quelque chose que quelqu'un m'avait fait remarquer en regardant les tableaux de Renoir, en disant regardez, on dit qu'un tableau doit avoir un seul style, et puis regardez comment dans cette partie du tableau, soudain, il change à l'intérieur même du même tableau de style. Alors ça, parce que c'est pas du tout le réalisme poétique, c'est pas la réalité fondue avec la poésie, avec à la faveur d'un pavé luisant. C'est une rupture. On peut accepter les ruptures de ton, mais les ruptures de style, là, il y a une soudaineté totalement prodigieuse, là, en l'occurrence, et qui d'ailleurs est bouleversante, puisque soudain, on se trouve dans une scène d'amour avec Depardieu qui dit qu'il a 15 ans et qui a soudain un accent presque enfantin pour dire à la fille qu'il l'aime. Alors, comment les choses se sont passées pour cette scène-là? Je sais pas, c'est simplement, il s'est passé, surtout, je crois, puisque c'est tourné quand même plutôt dans la chronologie, pas complètement, mais dans la chronologie, il s'est passé, il faut reconnaître d'ailleurs que je ne l'ai pas vu au tournage, à quel point là, Depardieu était bouleversant quand il dit « j'ai jamais aimé personne », mais... Vous savez ce que c'est quand on tourne comme ça, surtout ces scènes de voiture où le metteur en scène est forcément loin et disons qu'il n'a que le son. Hein. Il voit un peu l'image, mais un peu, il la voit pas, elle est pas très présente et puis il a le son. Mais quand c'est assez fort comme ça, je crois que ça se sent tout d'un coup, il y a une... Oh là, on peut bien employer une espèce de magie et c'est un hommage encore un de plus que je rends et de bonne grâce, de tout cœur à Gérard. C'est que il a eu la clé là. Il a ça a été le sésame de cette scène et après ça se déroulait tout seul, non sans poser quand même de sérieuses difficultés de montage parce que on voit que c'est elliptique et que souvent même les ellipses sont même, enfin, il n'y a plus d'ellipses audacieuses maintenant, on fait tout ce qu'on veut au cinéma, c'est peut-être un tort d'ailleurs, mais je veux dire qu'on passe par exemple brutalement d'une voiture qui roule à une voiture arrêtée, en gros plan, comme ça, sans qu'il y ait quoi que ce soit, je crois que ça passe. Ça passe complètement. Ça passe tout à fait, mais il y a aussi la maîtrise de Gérard, mais il y a aussi la maîtrise de Dedet, qui est un monteur, vraiment, ce qui a fait, là, je crois, sur ce film, un travail de premier ordre. Et donc, ça s'est déroulé assez naturellement, après... Et là, la part du metteur en scène, et c'est ça que malheureusement, et surtout sur ce film, j'en ai de beaux exemples, pas qu'un, c'est ça que certains comédiens ne comprennent pas. Et ce qui est plus grave sur ce film, c'est qu'ils n'ont pas compris de tout le film. Qu'ils ne comprennent pas dans les premiers jours, les premières semaines de tournage, mais qu'ils ne comprennent pas dans tout le film qu'un metteur en scène, enfin, tel que je conçois moi, que j'essaie de le faire, c'est pas quelqu'un qui est là... qui a une présence gênante dans les sous ce cours de diriger ce mot que je déteste ou d'aider, ce qui est déjà mieux, et là qui colle aux comédiens et ils le reconnaissent pas et qui doivent plutôt les gêner, hein. C'est une position qui fait croire aux mauvais qu'on les aide et qui doit gêner les bons, j'ai l'impression. Mais les bons, ils ont aussi cette qualité en plus, c'est qu'ils peuvent faire abstraction de ça et probablement se retrouver tout seul et l'autre qui jacque d'à côté, qui donne ses conseils ou ses ordres, ils doivent pas beaucoup s'en occuper. On peut donc tourner une séquence comme ça qui est, je l'espère pour moi, entièrement de moi, puis je crois que tout ce que j'ai fait et ce que je fais encore dans ce film en est la preuve, mais où le metteur en scène est par la nécessité du tournage dans un certain éloignement, mais bon, on a créé quelque chose qui fait que là, ça a été particulièrement réussi et ça a pris cette direction. Ça aurait pu en prendre une autre, aussi bonne, moins bonne, mieux peut-être aussi. On peut toujours effectivement faire mieux, mais enfin, est-ce que ça rejoint pas, enfin, d'une certaine façon, parce que lui venait avec des acteurs plus venant quand même davantage du théâtre, qui jouait quand même d'une autre façon qu'on joue aujourd'hui. En plus, il avait un texte, c'était son texte, je pense à Pagnol, le fameux « ce que nous savons tous » et que beaucoup de spectateurs savent aussi, puisqu'on parle beaucoup de tout ça depuis tellement d'années, à savoir que Pagnol était, paraît-il, il n'était peut-être pas tout le temps, mais qu'il était souvent dans le camion de son et qu'il n'écoutait que le dialogue. Et là, j'étais à peu près dans la même situation, sauf que je voyais un peu... Aujourd'hui, après tout, on a ça dans les bonnes émissions télé. Ils sont dans le camion, sauf qu'en plus, ils ont l'image. Vous n'avez pas répondu sur la rupture de style, parce que le texte lui-même est différent. Le texte de la scène est écrit d'une manière un peu différente. Oui, peut-être, mais ça, j'avoue que je c'était pas si sensible que ça quand on le tournait. Je voyais pas de rupture de style dans le texte. Hein, j'entends dans le texte, non. Bon, alors c'est tout de même un moment crucial dans la vie des personnages, parce que soudain il y a une dimension différente de Mangin qui nous apparaît à partir de ce moment-là. Et alors il y a quelque chose moi qui me fascine, c'est la façon dont le film nous rend compte du personnage qui est joué par Sophie Marceau, que je trouve être, alors à ma grande stupéfaction, je n'attendais vraiment rien de cette comédienne, je dois le dire. Enfin, j'étais absolument pas contre, mais j'étais absolument pas pour non plus. Et je me disais, enfin, très bêtement, avant la projection, comment est-ce qu'il s'en est tiré ? Je veux dire, ou alors il l'a mise dans un coin et elle a trois fois rien à faire et elle est là pour l'affiche, ou bien elle est dans le film, mais alors comment ? J'avoue que, en voyant le film, j'ai été sidéré parce que vous avez obtenu. Est-ce le personnage ? Est-ce bon ? il y a quelque chose de la vie intérieure de ce personnage qui passe vraiment sur l'écran avec tout son, toute sa complexité. Parce que là je vous ai écouté, enfin, je vous ai écouté, j'ai lu des textes de vous, des textes d'interview où soudain, vous la rachetiez. Vous disiez, elle ment pas autant que ça a été dit dans les critiques qui ont été faites du film. C'est un personnage incroyable. Enfin, c'est un personnage qui lui échappe alors complètement à la réalité même de ce qui est montré. Elle est totalement surprenante. Ben oui, c'est... Alors, je peux formuler la question autrement. Si vous vous étiez entendu avec moi, Sophie Marceau, est-ce que vous auriez obtenu le même résultat? Ça, vraiment, on peut pas savoir. Hein. Mais je crois que c'est pas possible de s'entendre avec quelqu'un comme Sophie Marceau, parce que c'est la personne la plus détestable que j'ai rencontrée depuis que je fais du cinéma. Mais il paraît que c'est moi qui suis détestable. Alors, évidemment, c'est facile. On joue sur le velours, puisqu'avec moi, on sait que... Vous savez, ça, c'est ce jeu de cartes, là, comment il s'appelle, où il y a le valet de pique, là, qui s'appelle comment, le mistigris, je sais pas quoi, enfin, la carte que tout le monde s'enfile, parce que c'est la carte mauvaise, quoi. Alors, je suis un peu, je sais pas pourquoi, ou plutôt, je sais très bien, mais le rôle de, je sais pas si ça s'appelle mistigris, je sais plus, ça porte un nom comme ça, je joue un peu le rôle de ce personnage. Donc, avec moi, des gens, pervers, qui sont justement eux, ceux qui ont cette particularité qu'on m'attribue si facilement. Et si je voudrais savoir que moi je serais aujourd'hui dans une émission de radio, à la télévision, je voudrais que quelqu'un ou plusieurs personnes viennent devant moi et puis me fassent la démonstration de la perversité, soit parce que je serais comme ça devant eux, parce qu'on ce qu'on connaîtrait de ma vie ou parce que on voit dans mes films. Mais par contre, cette perversité, elle existe en particulier chez Sophie Marceau, puisque c'est quelqu'un qui qu'elle pense que le résultat, parce que ça c'est son opinion à elle, du film n'est pas bon, aussi bien le film qu'elle, c'est son droit, elle a bon. Non mais ça c'est pas contestable que vous lui avez rendu. Ah oui, non, c'est pas du tout ce qu'elle pense elle. Mais vu la carrière qu'elle a choisie, enfin surtout c'est pas, elle a pas choisi la carrière, on a fait d'elle une vedette en un film, deux. Je pense que tourner dans un film qui va assurer sa carrière et avec probablement quelle force, puisqu'elle aura non seulement les entrées qu'elle a déjà eues, mais dans les films que l'on sait, mais aussi qu'elle sera reconnue comme une comédienne de premier plan. La moindre des choses, même si elle n'est pas d'accord sur la valeur du film et sur la qualité de son interprétation, ça serait pas d'aller jusqu'à dire merci ou de faire comprendre qu'elle dit merci, parce que on est malheureusement dans un temps où surtout dans ces générations-là, et surtout j'ai l'impression chez les filles, on ne rencontre pas beaucoup cette qualité. Et puis on dirait qu'on se plaît à ne pas en avoir de qualité. Bon, mais profiter de ce film, et sans doute parce qu'il y a eu des précédents, et en jouant sur le velours, parce qu'elle sait, avec la réputation que j'ai, que c'est elle qu'on croira et pas moi. D'abord, déjà, on la croit parce que jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui parle et que moi, j'ai pas répondu. Ça, je trouve ça... qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je trouve ça? Bon, je cherche depuis des semaines, parce qu'il n'y a pas qu'elle, là, il y a aussi la malheureuse Breya, là, qui se répand... je cherche des qualificatifs, j'en trouve pas. Alors, dans le fond, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne faut pas dire inqualifiable? Oui, mais alors... C'est inqualifiable, c'est oui. Absolument inqualifiable. Mais ce que je trouve le plus grave, c'est que ni du côté des producteurs, qui eux savent, ils savent comment ça s'est passé, ils commencent à comprendre qui je suis, parce que ça fait quand même deux films de suite que je fais chez eux, où il n'y a pas l'ombre de ce que l'on dit qu'il y a sur mes films. Quelqu'un faisait remarquer cet après-midi, avant que je vienne chez vous, que je viens encore lire d'un article de Jamais, là, aujourd'hui, qui reprend avec, on dit comment, délectation, tous les trucs. Et alors, il rajoute même Anconina, maintenant, ça y est, voilà, il y a Anconina, en plus. Donc, il amène de l'eau au moulin. Mais ça a commencé à la sortie ou un peu avant la sortie du film, par des déclarations qui ont été faites par des personnes qui avaient tout intérêt à relancer cette histoire-là une fois de plus. Je répète, les producteurs le savent, moi je suis producteur d'un film comme celui-là, j'ai la position et les moyens d'empêcher que des choses comme ça se produisent, même s'il y avait un fond de s'il y avait des choses qui puissent effectivement permettre. Il se trouve qu'en plus, et c'est le comble de tout, qu'il n'y en a aucune. Mais même s'il y avait, écoutez, sur les contrats que l'on signe, aussi bien comédien, à fortiori vedette et metteur en scène, il y a un engagement, une obligation de réserve. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des déclarations qui puissent nuire à la carrière. Bon, tout ça, c'est un point de vue commercial. Bon, il se trouve que ça rejoint une espèce de moralité que le populaire appelle « on crache pas dans la soupe », ça se fait pas. Mais enfin, moi, je l'ai toujours respecté, cette règle. Et comme je pense, et pas par crainte de voir un producteur qui viendrait me faire les gros yeux, menacer de procès, ou bloquer peut-être des versements, parce que ce serait sans doute des trucs dans ce genre-là, je n'attaque pas Gaumont, là, c'est pas le genre de la maison, il n'irait pas faire des choses pareilles. Il ne dirait rien, la preuve, ils disent rien. Quand même que l'on pense que chez Gaumont, personne n'est dit dès la première incartade à Marceau de se taire, qu'elle avait, on lui demandait rien, mais qu'elle se taise. Vous pensez qu'elle a été jusqu'à refuser la couverture de Paris Match, alors que dans la dernière semaine du tournage du film, elle m'a dit « moi je m'arrête jeudi parce que je veux partir, il y a longtemps que j'ai pas pris des vacances, je vais aller à Hawaï, puis j'ai la promotion de mon prochain film ». Et que ça, c'est des nombreuses choses qu'elle a fait pendant le tournage, des agressions auxquelles je n'ai jamais répondu. Je me suis toujours retenu dans une réserve, qu'elle a peut-être d'ailleurs pris pour de la faiblesse, puisque l'autre jour je lui ai dit, parce qu'elle s'est vantée auprès d'une journaliste, elle a dit, le troisième jour je lui ai dit ce que je pensais, qui n'est d'ailleurs pas ce qui a été écrit dans le journal du dimanche, et comme ça j'ai eu la paix jusqu'à la fin du tournage. Pauvre conne. Comme j'ai dit con déjà dans une autre chose, que si elle m'attaque, ce qui serait le comble, parce qu'elle pourrait très bien m'attaquer. Ça serait le comble. Elle pourrait. Bon, je pense pas que le fait de l'avoir dit deux fois, encore qu'elle persiste et non pas signe, persiste et répète, vraiment. Mais comment peut-on être d'une prétention pareille et se croire ces gens, quand on me parle d'âge et de maturité, je pense, c'est pas sûr. C'est même pas vrai, pas pour moi, je crois pas. Sophie Marceau, à 18 ans, est bien plus mûre que moi à 60, puisque 60, je les ai depuis quelques heures, je pourrais dire. Mais la maturité, on se retranche derrière l'âge, mais elle a pas du tout, c'est pas des choses de gamine, c'est des choses parfaitement réfléchies, concertées, voulues. Je pense pas que de lire, moi sûrement, même à un âge plus avancé, de lire, mais c'est rien du tout, c'était des bricoles, j'étais peintre, j'exposais, il y avait mon nom dans le journal, ou le premier court-métrage que j'ai fait, j'étais déjà plus jeune, moi quand j'avais lu trois lignes dans l'Express, ça m'a fait boum boum. Tiens, je dis boum, elle, probablement, je sais pas ce que ça lui fait, peut-être pas grand chose, mais enfin, je crois que quand même, quand on passe directement des bancs du lycée, à cette notoriété, à tout ce que l'on dit qu'elle avait à Tokyo avec des aéroports entiers, des milliers qui étaient là après elle, que ça faisait, c'est ça confinait à l'émeute et tout. C'est possible que ça tourne la tête. Je pense pas que ça soit une excuse pour elle, parce qu'elle a pas du tout la tête tournée, si quelqu'un a bien la tête froide. Mais par contre, où ça tourne la tête, c'est que, et c'est, elle en est un cas typique, c'est les, et là, je rejoins un peu votre question, c'est ces vedettes, qu'ils resteront d'ailleurs peut-être pas, mais qui le sont comme ça. Entre parenthèses, je signale à Marceau au passage que si elle peut continuer à être vedette en ce moment, ça va être en grande partie grâce à ce film, parce que elle faisait pas ce qu'il fallait pour. Hein. Donc on aide les gens malgré eux, on leur apporte, on leur fait du bien malgré eux, et ils vous crachent à la gueule. On pourrait presque dire c'est un phénomène de mode. Et j'oublie pas de dire une chose que j'étais en train de dire avant de faire cette parenthèse. C'est une vedette comme ça arrive et les compliments, pour ne pas dire, enfin ces louanges exagérées que l'on lit à tout propos, sur tout et sur tout le monde dans la presse aujourd'hui, qui cherche toujours, qui est toujours en excès comme ça. Qui dévalorise d'ailleurs de ce fait. Qui dévalorise tout aussi, et finissent par le croire. Alors on a ceci, c'est que quelqu'un qui n'est pas une bonne comédienne parce qu'il n'y a pas de raison, hein, parce que les Sandrine Bonnaire sont rares, j'en sais quelque chose, j'en ai vu des milliers avant d'avoir une Sandrine Bonnaire. Bon, ils finissent par croire qu'ils sont grands comédiens parce qu'ils ont la notoriété. Ils confondent la notoriété et le métier. Alors c'est vrai qu'ils ont une espèce d'assurance dans le jeu comme ça, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Alors si ils sont bons, tant mieux, ou pas mauvais, parce qu'après tout, il faut pas demander énormément à quelqu'un sur un écran. Et c'est quand même un bon exemple, ce film Police. Il y a deux comédiennes qui ont exactement le même âge, à 6 mois près. Celle qui n'est pas bonne comédienne est bien meilleure dans le film que celle qui est bonne comédienne. Donc il n'y a pas seulement les qualités de comédien qui comptent. Gérard Depardieu, il y a autre chose que je commence à découvrir maintenant, même je découvre bien, qui font qu'il est ce qu'il est. Mais c'est pas seulement parce qu'il est un bon comédien. Bien sûr qu'il est un bon comédien. Mais il y a quelque chose en plus. Et Sophie Marceau, elle a la chance d'avoir une... c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était comme ça dans ce premier film où, tout en étant gamine, elle avait déjà une bonne présence. Probablement qu'on peut penser dans la boum que des dizaines d'autres filles auraient très bien pu être là à sa place, mais probablement pas. En tout cas, dans le lot considérable, probablement, que les gens de Gaumont, Poiret ou le réalisateur avait vu, ou la scénariste avait vu, elle était certainement celle, ou peut-être qu'il y en avait 2-3, on pouvait peut-être sans doute hésiter entre 2 ou 3, elle était certainement celle qui était la mieux. Mais il y a des gens qui ont été mauvais comédiens dans leur premier film et qui sont devenus très bons, voire très bons, alors... Tous les espoirs sont permis. Là, tout de même, excusez-moi, mais en vous écoutant parler... Maurice Pialla, je découvre quelque chose. Je découvre quelque chose que je savais déjà. En vérité, c'est à quel point votre esprit fonctionne toujours sur le mais ou sur le en même temps. C'est-à-dire que dès que vous avez affirmé quelque chose, et Dieu sait si vous affirmez fortement les choses, il semble que aussitôt après, ou quasiment en même temps, vous apportiez la plus que la nuance, l'aspect complètement opposé. Enfin, vous ouvrez soudain une autre brèche dans la réalité, de manière à ne jamais vous satisfaire. Alors ça, c'est la force de votre cinéma, et c'est la force de Police, qui en est d'une certaine façon l'accomplissement. C'est à quel point vous n'êtes jamais content de ce que vous venez de ressentir, de penser, d'affirmer, et que il y a une espèce d'honnêteté quasiment douloureuse qui vous fait affirmer pas le contraire, mais autre chose qui complète. Vous avez failli dire impuissance. Hein. Non, pas du tout. Moi, j'appellerais ça ça ne me gêne pas, moi, impuissance, surtout que ça n'a pas que la connotation sexuelle. Parce qu'on pourrait effectivement penser qu'il y a une forme d'impuissance. Je dirais, je sais pas si c'est le sens exact du mot mansuétude, mais c'est vrai que ça peut parfois déboucher sur quelque chose de très bien. Je parle dans la vie, hein. En somme, moi, je pardonne toujours. Et c'est pour ça que les fautes, elles peuvent même me révulser, me foutre dans une colère. Mais après, je pardonne et trop. Quand je gagne, j'ai pitié. Et enfin, c'est oui. D'ailleurs, j'aime pas ce mot de pitié. C'est pas des sentiments très très très. Vous pouvez très pas beau, vous, ça, non, hein. Non, vous pouvez même pas vous défendre. Alors moi, si on m'attaquait sur des choses comme ça, dans ce que je fais, dans ce que je suis, alors là, ça serait bravo, d'accord, parce que toute personne est critiquable. Mais ce qui est insupportable, c'est de salir systématiquement quelqu'un en reprenant des stéréotypes, en ne se donnant même pas la peine de vérifier quoi que ce soit, et de balancer comme ça. Comment, au bout de 3 jours de tournage, une fille comme Marceau peut se permettre de me mander dans sa loge ce qu'elle a fait et me dire, ça elle ne l'a pas dit, mais elle le dit à la presse. Donc c'est comme elle l'avait dit, c'est comme si elle l'avait dit. Hein, c'est la chanson de Roland, quand on raconte ce qu'on a fait, même si on est faux, c'est après. C'est comme le récit qui devient vrai. Le récit qui devient vrai. Elle vient et elle me dit, tout le monde a pu le lire dans le journal du dimanche, le truc sadomaso pervers, c'est pas mon truc, moi je suis simple. Elle a pas dit du tout ça, pas du tout, ça n'avait pas du tout le même sens, mais comme elle le dit dans la presse, c'est qu'elle avait peut-être pas eu l'idée de le dire ce jour-là, ou que entre-temps elle a eu des informations, mais de toute façon, information ou pas, que le temps soit écoulé, elle ne sait pas Elle n'a aucun rien, sinon des choses qu'elle a pu entendre dire par des gens malveillants. Il n'y a rien, aucun fait, aucune chose qui puisse lui laisser entendre que ces choses-là sont vraies. En plus, la plupart du temps, c'est des mots qui veulent rien dire. Moi, je cherche vainement à trouver un sens au mot pervers. Si, si, bien sûr, pervers encore, ça va. Mais Mazo, alors, je renvoie toujours les gens au bouquin de Girard, là, qui, pendant plusieurs pages, et mon cher... Donadieu, tu essaies cultivé pour nous donner là, pendant plusieurs pages. Il fait une démonstration qui, pour moi, en tout cas, était probante sur le masochisme qui, pour lui, n'existe pas. Dans des choses cachées depuis le commencement du monde. Oui, ça doit être ça. Ça me paraît du simple bon sens, mais on se délecte, on se gargarise de ce mot. Tiens, encore une journaliste me l'a envoyé hier. Alors moi, j'en ai ma claque de tout ça, parce qu'en fait, là, je suis même encore avec vous, grâce à vous, je suis plus détendu, mais l'autre jour, je suis arrivé même Denisot, qui est charmant, que j'aime beaucoup, qui est vraiment quelqu'un du talent, ça fait plaisir de faire la télé quelqu'un comme ça. Néanmoins, bon, c'était plus comme ça, empaqueté. Mais ce qu'il faudrait, c'est en rigueur. Si c'était la première fois, je me marrerais, moi, c'est tellement grotesque. Tenez, par exemple, il y a Breya, qui... c'est d'abord déjà n'a pas tenu parole non seulement au contrat qu'elle a signé, mais en plus comme elle menaçait d'un procès, qu'on a évité le procès, il y a un accord qui a été fait qui lui était très favorable parce que la façon dont elle figure sur l'affiche est très favorable pour elle compte tenu de ce qu'elle a fait dans le film. Bon, mais il était convenu que les deux parties, c'est-à-dire moi le réalisateur et elle la romancière, s'abstiendraient de tout. Qui ne dirait pas un mot ni sur le film de son côté, ni sur moi, sur le roman. Bon, et moi, bien entendu, j'avais tenu parole. Maintenant, je suis délié de tout ça, puisqu'elle a fait le siège des journalistes, des maisons d'édition, envoyé ses bouquins avec des dédicaces, presque, il y avait presque autant de pages de dédicaces que de livres. Bon, et puis, ça y est, elle a continué à faire ce qu'elle avait commencé à faire au mois de février, à décharger. Le dernier truc que j'ai lu, il y a 70 scènes dans Police, Piala, il y en a 7 de lui, dont 3 d'improvisation. Alors, moi, je dis une chose très juste, c'est des choses qui sont tellement grotesques et tellement faciles à refuter, mais... Ah, j'ai pas fini tout à l'heure. Je parlais de la responsabilité de Gaumont, qui a pas fait fermer, j'emploie le mot de Rassam, qui est bien, je trouve, le claque-merde, qui a pas fait fermer son claque-merde à Marceau, et bien entendu, en plus, à Breya, mais les plus graves, ce sont les journalistes qui se délectent de ça, parce que je pense qu'ils pourraient, certains, les bons, les biens, il y en a quelques-uns quand même qui pourraient dire, nous connaissons quand même un peu Piala, c'est pas un homme qui prête flanc à ça, c'est pas, puis de toute façon c'est pas intéressant, ce qu'il fait, ce que nous avons rencontré de lui, ça nous intéresse pas. Il y a peut-être une face cachée très moche de lui, mais ça nous intéresse pas. Alors qu'en fait, il se gargarise et qu'au lieu d'écrire des choses intéressantes ou de rien écrire du tout, parce que c'est mieux de rien écrire que toutes ces saletés, il se repaisse de ces saletés et il les écrive. Mais prenons Breya par exemple. Elle prétend qu'elle a écrit, elle nous menaçait d'un procès là-dessus, ce qui prouve qu'elle divague complètement. Elle commence à dire 80%, puis 100%. Et bon, Or, elle a écrit un bouquin. Or, elle a tout écrit. Quelle est la trace la plus visible de l'écriture d'un film, surtout quand on est l'auteur complet, hein, c'est les dialogues. Hein, les dialogues, ils sont là. Et bon. Or, si je vous souhaite du courage, si vous lisez son bouquin, parce que c'est dur à avaler, si vous lisez son bouquin, vous vous apercevrez qu'il n'y a pratiquement pas une ligne comme ci, comme ça, de temps en temps, et encore, c'est dit autrement. Il n'y a pratiquement pas une ligne du film qui est dans le bouquin. Or, il me semble que quelqu'un qui prétend être l'auteur d'une œuvre, même si on sait que dans le roman, on n'écrit pas forcément que sous la forme dialoguée, on va retrouver ce qui est dans le film. Et d'ailleurs, ce qui est étrange chez elle et qui montre qu'elle est complètement, qu'elle va pas, qu'elle est, comme on dit, complètement à côté de ses pompes, c'est qu'elle aurait pu faire une chose très simple devant laquelle on était complètement démunis. Enfin, devant laquelle j'étais démunis, je pouvais rien faire. Elle avait suffisamment d'amitié, je devrais dire de complicité dans la maison pour voir le film sous son état de copie de travail ou se faire filer des doubles de sons, de dialogues et tout ça. Et comme elle était partie très tôt dans le film et que le film s'est terminé sans elle, elle avait qu'à recopier toutes les scènes du film, les foutre dans son bouquin et c'était imparable. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Je ne comprends pas qu'elle ait même pas fait ça. Alors je vais dire, parce que ça fait plaisir de le dire ici, que la conséquence de ça est finalement, pour moi, je trouve positive. C'est-à-dire que à la suite de ces attaques à laquelle on peut pas répondre, comme on me dit, la paranoïa, quand toute réponse l'alimente, et puis dans le cas de Marceau, c'est justiciable de, je sais pas quoi, moi, de la bave dans la gueule, ou je sais quelle autre chose, un type, on lui casserait la gueule, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moi, je pense, et puis comme de toute façon, cette réputation poursuivra tout le temps, la preuve, ça fait deux films que je fais de suite où il n'y a rien, les autres, il n'y a pas du tout ce qu'on a dit. J'ai donc décidé de ne plus jamais faire d'interview. Et je sais que sur des choses comme ça, je tiendrai parole. Plus d'interview, plus de télé, plus de radio, plus rien, quoi. Mais je le redis ici avec plaisir. D'abord parce que j'ai toujours été content de venir. Vous avez été toujours plus que charmant avec moi. Enfin, et puis en plus que vous étiez là quand les autres n'étaient pas très nombreux. Hein. Moi, je le rappelle. Vous étiez là de bon, mais et je dis pas ça parce que j'ai dit ça chez Denise l'autre jour en disant que j'irais chez vous la dernière fois. Et puis, mais c'était présenté comme si c'était des adieux, que j'avais le sida ou je sais pas quoi, que j'allais m'effondrer en sortant du studio. Non, c'est que en fait, c'est pas que c'est que je veux plus en faire, quoi. Ça veut pas dire. Non, mais d'ailleurs, enfin, je ne saurais que vous approuver en réalité, puisque bon. L'important, c'est pas que vous fassiez des interviews, l'important, c'est que vous fassiez des films. Et vous avez dit tout en citant la phrase de Lang, si encore il faut que j'explique mes films, c'est qu'ils sont pas bien bons, quoi. Merci Maurice Pialat. C'est en principe pour la dernière fois que nous vous entendons, en tout cas au cinéma des idéales. Mais ce qui nous empêchera absolument pas de prendre nos responsabilités, parce que c'est vrai que quelquefois, l'interview est une facilité. C'est-à-dire, c'est vrai que quelquefois, on n'ose pas aller jusqu'au bout. Si on mettait quelqu'un, un jour, tout seul devant un micro, en lui disant, bah, tu as vu ce film, vas-y. Et au fond, c'est ce que nous avons essayé de faire quelquefois, mais là, pas tout seul, à deux ou trois. Et après tout, je crois que c'est vrai que quelquefois, il faut savoir prendre ses responsabilités devant un film et dire, honnêtement, sincèrement, tout ce que ce film a pu vous dire. Il n'y aura pas de prochaine émission du cinéma des cinéastes, et là-dessus, je vous dois des explications. On m'a proposé tout à fait récemment d'autres fonctions dans une autre radio, une radio privée, enfin, qui n'est pas une petite radio privée, bien entendu. Et de ce fait, la direction de Radio France a estimé, ce qui est absolument son droit, que je ne pouvais assurer à la fois une émission sur France Culture et une émission sur une autre radio. Alors, si bien que je me trouve devant la réalité des choses, à savoir que je ne réalise pas, au sens propre du mot, dans une émission où il est beaucoup question de réalisation, je ne réalise pas que ce travail que j'ai commencé avec Caroline Champetier et Pierre Donadieu, voilà presque 10 ans, s'interrompt brutalement cette semaine. Je ne peux absolument pas vous dire ce qui nous succédera dans cette tranche horaire. Pour l'instant, la direction de France Culture est en train de chercher. J'avoue l'avoir mis dans une position difficile. Je vous demande de me pardonner, parce que je l'ai bien vu à travers votre courrier, à travers... les auditeurs du cinéma des cinéastes qui m'est arrivé de rencontrer, j'ai bien vu à quel point un certain nombre d'entre vous étaient très réellement fidèles, et pas seulement au cinéma, mais à l'esprit que représentait cette émission d'une certaine façon à notre insu. Voilà, c'est la dernière. Je ne crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon que j'espère que vous continuerez à... je parle des auditeurs actifs, ceux qui nous ont écrit, ceux qui ont été jusqu'au bout de leur fidélité, puisqu'ils ont été jusqu'à m'écrire des textes, de très beaux textes parfois que j'ai lus à l'antenne, et qui m'ont donné parfois l'envie d'inviter ces auditeurs, et ce qui a donné lieu d'ailleurs parfois de très très belles émissions. Je pense en particulier à l'émission qui a été faite en fin d'année dernière avec Gaël Bossert, et il me semble que là encore, il y avait quelque chose de l'esprit de cette émission, du cinéma et cinéaste, qui passait à travers cet entretien avec un auditeur. Puisque dans mon esprit, bien entendu, quand j'ai créé le cinéma des cinéastes, le premier titre c'était cinéma des cinéastes, le deuxième c'était cinéma des spectateurs, et on a bien vu comment les deux jouaient l'un avec l'autre. Moyennant quoi notre travail continue pour l'émission de ce soir, puisque nous ne l'avons pas fini avec Police. Vous avez entendu Maurice Pialat la semaine dernière. Cette semaine... sont invités et sont autour de cette table, ce dont je les remercie, trois collaborateurs qui se sont trouvés en amont et en aval de la création de ce film. Jacques Fieschi, qui a collaboré étroitement avec Pialat au scénario et dialogue de Police. Jacques Loiseleu, qui a tenu le cadre, c'est-à-dire qui a été l'œil de Pialat à la caméra. Et Yann Dedé, alors que vous connaissez bien, qui était un de nos invités réguliers du cinéma et cinéaste, et pas seulement pour son travail, mais également pour réagir sur des films, et qui, une fois de plus, a fait le montage de Police et a collaboré donc très étroitement avec Pialat au moment décisif, au moment des choix décisifs. Alors, ceci dit, Caroline Champetier n'était pas là la semaine dernière quand nous avons eu notre entretien avec Maurice Pialat. Et je voudrais lui passer la parole. Ce qui m'a ému, je dois dire, et ce qui est en rapport avec l'émission de ce soir, c'est que Pialat a exprimé le vœu, en tout cas, de vouloir se taire. Et il a dit que c'était une des dernières fois qu'il prenait la parole en public. C'est étonnant d'ailleurs que ce soir, on se demande si c'est peut-être la dernière fois que des cinéastes auront autant de temps pour s'exprimer en public. Ce que je trouve très très... frappant dans ce qu'a dit Pialat, c'est que, et que je trouve moi depuis longtemps, à travers d'ailleurs la façon dont des cinéastes comme Godard réagissent, c'est que parler de ce qui se passe sur un plateau, et ce qui se passe sur un plateau, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, particulier. Je dirais qu'un plateau est un lieu clos, érotique, qui est indépendant de tout imaginaire. Quelqu'un qui n'a jamais été sur un plateau de cinéma ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un plateau de cinéma. Et même quand on y est, je suppose. Et quand on y est en visiteur. En visiteur, oui. Quand on travaille dessus, peut-être. Mais ce que j'appellerais à la fois le travail et l'érotisation incroyable des rapports sur un plateau, ça, peu de gens le comprennent et en parlent bien. Et ce que je trouve formidable, c'est que de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour parler de ces espaces qui sont des espaces clos, des espaces privés. Peu de gens parlent de comment ils couchent ou de comment ils découchent certains écrivains, certains cinéastes. Mais dans ce cas-là, ça devient autre chose. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas médiatique. Et là, tout d'un coup, l'espace du plateau, l'espace du cabinet du scénariste ou l'espace de la salle de montage deviennent des espaces publics, ce que ça n'est pas. Ce ne sont pas des agora, ce sont vraiment des espaces privés. Et je crois que la douleur de gens comme Pialat ou de gens comme Godard, je pourrais penser à d'autres cinéastes que je n'ai pas à l'esprit là maintenant, c'est cette espèce de curiosité malsaine, de ce côté paparazzi de la presse d'aujourd'hui, de ne pas comprendre la réelle privatisation de cet espace, dont on peut rendre compte, mais dont il faut rendre compte dans ce cas-là, avec des moyens qui sont bien au-delà de ceux du journalisme ou du simple média, qui seront peut-être ceux de la fiction, comme Truffaut le fait dans La Nuit américaine, ou de la littérature, ou encore d'autres choses. Et moi, ce qui m'importe ce soir, c'est que les gens qui sont là connaissent ces endroits, et donc parlent de ce qu'ils connaissent, plus que des articles qu'on lit, et des ragots qu'on entend, et qui font, je crois, infiniment souffrir des cinéastes. Et on ne se rend pas compte à quel point Godard ou Pialat souffrent d'une image qui n'est pas la leur au travail, qui est simplement une sorte d'écho propulsée par des médias qui ne prennent pas conscience réellement du mauvais travail qu'ils font. On va commencer cette émission par le commencement, à savoir par le scénario de Police. Alors, nous en avons déjà parlé au téléphone, Jacques Fieschi. Je suis totalement d'accord avec vous pour que la polémique ne se poursuive pas sur qui a fait quoi, qui n'a aucune importance en réalité, puisque le film est là sur l'écran pour parler de lui-même. En revanche, ce qui m'a intéressé considérablement, alors là, mon imaginaire a fonctionné, c'est-à-dire que je vous ai imaginé Jacques Fieschi, avec derrière une feuille de décor, avec votre machine à écrire, ne tapant pas pendant les prises. Pas tout à fait, mais... Travaillant dans l'immédiat, à la réalité même de ce qu'allait se tourner comme texte et comme c'est situation ça, mais... sur le plateau. Oui. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé, bon, je précise la chose, sans du tout envenimer la polémique avec Breya, qui est une fille qui, par ailleurs, a du talent et un tour, et qui a fait un gros travail sur le film Police. Hein, ça, je ne songe nullement à disconvenir. Je suis arrivé à mi-film, après précisément le différend qui est intervenu entre Piala et Breya, et dans lequel je ne suis strictement pour rien. Cela dit, il fallait donc trouver le mouvement final de Police, les rapports entre les personnages principaux, Gérard Depardieu et Sophie Marceau, et aller un petit peu au-delà de ce formidable travail d'ambiance, d'enquête, de situation et de climat qu'était le film jusque-là. Alors justement, parlons-en quand même de ce qui s'est passé auparavant, parce que Catherine Breillat, personne d'ailleurs ne le nie, a apporté de la réalité. Elle a apporté oui, la réalité même bien de, sûr, mais personne de ne ces songe cafés, de ces cafés tunisiens, de ces personnages. Oui, oui, oui. Breillat a mené l'enquête. C'est pour ça que je regrette que parfois elle s'égare un peu. Je veux dire, moi, enfin, en tout cas, c'est pas moi qui songe à ne pas rendre à Breillat ce qui est à Breillat. Hein. Donc elle a fait ce travail très important et long, avance différent, et puis voilà. Bon. Et dangereux même, parce que jusqu'au bout du compte, c'est-à-dire s'introduire dans ces milieux-là, c'est quand même pas commun. Oui, elle l'a fait avec beaucoup d'habileté et sans doute de charme. Et elle a trouvé des choses, et elle a apporté l'anecdote du film, tout ça c'est vrai, bien sûr. Il y a presque une anecdote du film, quand l'apprenti commissaire reçoit une grande baffe, on a l'impression que c'est Breillat qui la reçoit, non? Quand elle est faite à l'enquête... Non, ne faites pas dire ça du tout, non, j'en sais rien. Non, c'est pas une image, mais il se peut très bien qu'elle ait eu l'idée de ce moment-là. Mm-hmm. Je pense pas quand même que Catherine Breillat, après son courage, ait affronté des dangers pareils, forcément. mais si vous voulez, elle a enquêté, c'est vrai, dans des milieux qui sont des milieux de vrais truands. Mais en même temps, ces gens-là étaient contents d'être écoutés, contents d'être filmés. C'est pas pour ça qu'ils vont se précipiter sur vous pour vous assassiner, en aucun cas. Hein. Ça s'est bien passé avec eux la plupart du temps. Mais d'ailleurs, Al Capone a regardé Scarface avec beaucoup de tranquillité. Avec expectation, je suppose. Mais... voilà, donc mon travail pourrait être intervenu après. Je suis arrivé à mi-film. Et effectivement, il fallait écrire à ce moment-là ces scènes au jour le jour. L'évolution, le mouvement du rapport de Pardieu-Marceau. Et ça, effectivement, comportait ce que vous dites, ce côté à la fois fondamental et pittoresque d'être là, sur le plateau, tout le temps, tous les jours, de faire des scènes qui étaient ensuite relues, généralement pas très longtemps avant le tournage, et éventuellement intervenir à nouveau et demander parfois même à la secrétaire dans la roulotte de laisser sa place pour retaper la scène. Voilà. Bien, alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé terriblement dans le film, on en a parlé la semaine dernière avec Piala. C'est une chose qui, en principe, n'est pas recommandée, en aucun cas, ni d'ailleurs en peinture, ni dans le roman, ni à plus forte raison dans le cinéma, parce que des ruptures de ton, on en connaît. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes dans l'histoire du cinéma de la rupture de ton, de passer du dramatique au comique. Mais la rupture de style est une des choses les plus difficiles à faire passer dans le mouvement d'un film. Or, moi, j'ai été bouleversé, ça fait partie d'ailleurs de mon admiration pour ce film, j'ai été complètement bouleversé par le fait que soudain, après cette soirée que passe Depardieu, où il regarde dans le corsage les filles, où il met la main sur la cuisse de Mademoiselle... Rocard. De Mademoiselle Rocard. Au fait, il n'y a aucun rapport avec l'homme politique. Si, c'est sa nièce, je crois. Ah, si, c'est sa nièce. Bon, enfin, autant le savoir. Il se trouve qu'elle. Bon, alors. Elle vous a plu, Pascal Roquin? Oui, beaucoup. Je trouve qu'elle. Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, je trouve qu'elle s'en tire très bien. Et soudain, voilà une scène dans cette voiture. Bon, il y a 250 000 personnes qui ont vu Police cette semaine, donc là vraiment on ne parle pas. À Paris. À Paris. Donc, on peut vraiment directement parler du film. Il se passe cette scène dans la voiture où Depardieu est d'ailleurs tout à fait extraordinaire. Il est au bord du pas possible, c'est-à-dire dans sa façon de dire le texte. Mais dans un premier temps, j'ai pas du tout pensé qui a écrit ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Le texte lui-même et le style même du film change et ça devient autre chose. Pas seulement parce que c'est une histoire d'amour, mais parce que soudain, quelque chose de littéraire s'introduit là-dedans. Oui, peut-être. Et bon, vous connaissant vos articles et connaissant votre style, je me suis dit, bon, il doit y avoir du Fieschi là-dessous. Mais du Fieschi qui semblerait avoir été repris à son compte par Piala. C'est ça, oui. Pour, bon, alors, voulez-vous m'expliquer comment les choses sont faites? Oui, oui, parce que c'est difficile Piala... pour moi de tirer la couverture dans une... Non, il n'y a pas question, parce que... D'un point de vue auteuriste qui, de toute façon, est absurde pour tout scénariste, je crois, parce que le patron du film, c'est naturellement le metteur en scène, et il faut que ce soit ainsi. C'est d'ailleurs un caractère parfois totalitaire dans le cinéma, mais c'est comme ça. Oui, il s'approprie les choses, c'est-à-dire qu'au fond, Piala est un des cinéastes les plus ouverts. Il a une réputation, disons, de va-t'en-gueule comme ça, mal embouché, souvent injustifié d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est un saint, mais en tout cas, il y a des humanités constantes. Et en même temps, il est très ouvert dans la mesure où, que ce soit dans l'image, Loiseleux en parlera, je suppose, dans le montage aussi, avec les comédiens, avec les non-professionnels, et aussi avec le scénariste, il est parfaitement ouvert, c'est-à-dire qu'il ne filmera jamais quelque chose qui ne lui plaît pas, qu'il ne peut pas s'approprier, mais il pourra accepter quelque chose de vous, et s'en emparer, et en faire du Piala. Voilà. Alors qu'il m'est arrivé de travailler avec d'autres cinéastes que je... nommerai pas, qui sont d'ailleurs de très bons cinéastes, mais en fait, ils me demandaient à moi, co-scénariste, d'avoir les idées, leurs idées, qu'ils n'avaient pas eues. Non pas qu'ils fussent sans imagination, du tout. Ils en avaient, en l'occurrence, ils en avaient. Mais ça passait par quelque chose de beaucoup plus monologique que là. La force de Piala, c'est de créer tout un monde en s'appropriant les prestations, les désirs et les talents des autres, voilà. Tout en en faisant quelque chose d'intensément personnel, puisque son tempérament est absolument unique, on le remarque maintenant. Je pense à un film de Roger Lénard sur Renoir, le père, et qui, analysant les tableaux avec sa caméra, découvrait une chose absolument extraordinaire. Il découvrait que certaines parties du tableau étaient d'un style absolument différent du reste. Mmh. Et alors là, j'en ai eu la confirmation avec... Bon, alors là, j'ai envie de parler tout de suite avec Yann Dedé, parce que toi, Yann Dedé, quand tu as... pardonne-moi de te tutoyer, mais au bout du compte, finalement, on a fini par se voir tellement souvent qu'on a fini par se tutoyer dans la vie. Toi, quand tu as vu arriver cette scène, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis demandé si ça finirait pas plutôt avec Rocard. Moi, de toute façon, j'ai vu le film une fois fini de tourner, j'ai vu tout en rush. Donc, à peu près dans l'ordre où c'est maintenant, sinon qu'il y a quelques bouleversements, mais j'ai pensé que le film pouvait finir avec Rocard. Et d'ailleurs, il était question à un moment qu'il finisse sous les cocotiers avec Rocard. On en avait parlé de moi. Avec, il faut dire quand même, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que Rocard, c'est pas Michel. C'est s'appelle donc Védret dans le film, c'est la stagiaire. C'est Pascal Rocard, et qu'elle est, c'est une jeune femme qui essaye de trouver sa place dans la police, enfin qui se trouve être commissaire, qui travaille dans une brigade territoriale et qui essaye de trouver sa place au milieu de tous ces hommes qui se moquent d'elle, enfin qui la prennent pas vraiment au sérieux. Et, sauf Mangin, le commissaire, la prend au sérieux à partir du moment où il commence à avoir un sentiment et même un désir très très marqué pour elle. Un désir plus qu'un sentiment. Un désir. Oui, alors il y a eu une éventualité d'une fin avec Rocard. Oui, eh ben oui, ça devait finir sous les cocotiers avec Rocard, oui. Mais c'était puis, de la rigolade ou bien... C'était comme toujours avec Maurice, de la rigolade très sérieuse. C'est-à-dire que c'est une des choses qu'il voulait retourner, non ? Il y a pensé sérieusement. Oui. C'était pourquoi pas, quoi. Oui, parce que... Ouais, c'était plus que pourquoi pas, c'était une des fins possibles, il y en avait deux, trois autres. Et puis c'était possible. Je sais pas, moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé surtout que c'était une scène qu'il avait, disons, pas pu tourner avec Marceau. Qui pensait ne pas pouvoir tourner avec Marceau aussi, parce que c'est comme ça que cette soirée-là est construite, c'est-à-dire tout ça va vers Marceau, mais en passant par toutes les autres femmes. Bon, voilà. C'est ça que j'aime bien. Ouais. La soirée, c'est un amour multiple. Et au moment où il tombe amoureux de Noria, de Marceau, il s'aperçoit qu'il pourrait être aussi amoureux de Rocard, et puis de la patronne de bistrot qu'il rencontre et qu'il a connue il y a 10 ans, et de... Bref, une femme, toutes les femmes. Je reviens à Jacques Fieschi, parce qu'il y a quelque chose dans le personnage de Marceau qui, moi, m'a appris beaucoup de choses sur l'amour. C'est l'amoureux passionné, celui qui aime quelqu'un à mourir, et possédé par son amour, et quelqu'un qui, généralement, pense à la personne aimée de la façon suivante. Par exemple, elle décide d'aller s'acheter 3 mouchoirs et 3 tranches de jambon, et il a tendance à penser que ça s'adresse à lui. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait est dirigé vers lui comme si elle avait des intentions sur lui. Alors, ce qui est totalement prodigieux dans le personnage de Marceau, mais c'est pas unique, ce n'est pas unique dans l'histoire du cinéma, parce qu'après tout, quand on regarde bien Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu, la force du personnage de Lola, c'est qu'elle n'a aucune espèce d'intention sur le professeur honorable. Alors, la force du personnage de Marceau, c'est qu'elle n'a aucune espèce d'intention, ni sur Mangin, ni sur quiconque, d'ailleurs. Ni sur quiconque, oui, c'est sa force. Alors, comment est-ce que ça a fonctionné entre vous et Piala, à ce propos? J'espère que vous en avez parlé, quand même. Oui, on a parlé, si vous voulez. Moi, mon souci, dans mon travail sur Police, c'était précisément que les personnages accèdent au fur et à mesure à une certaine identité, à une certaine idée d'eux-mêmes. Bon, sans faire pour autant un psychologisme détesté, ni d'ailleurs, en fait, le mot psychologique ne me choque d'ailleurs pas du tout. C'est la mauvaise psychologie qui est problématique, pas la bonne. Exactement, pas la bonne, exactement. Alors donc, c'était donner à la fois à Mangin et à Noria, joué par Marceau, donc il fallait penser à Marceau tout le temps. Le paradoxe a voulu d'ailleurs que j'écrive surtout pour Marceau, alors que je n'ai eu pratiquement aucun rapport avec elle pendant le tournage, de lui donner une conscience d'elle-même, une identité forte, qui dépasse justement toutes ces rumeurs, ces bruits, ce climat du film de Piala antérieur. Voilà. Moi, j'ai surtout travaillé là-dessus et ça m'a beaucoup intéressé de faire ce personnage qui arrive à travers cette indifférence et cette non-intention. Ne pas avoir d'intention, c'est pas du tout être indifférent. C'est-à-dire que les gens peuvent vous aimer, enfin, la même femme à laquelle vous rêvez peut vous aimer, peut avoir envie de vous voir, peut ne pas avoir envie de vous voir, mais c'est quand même très différent d'avoir des émotions et en même temps de n'avoir aucune sorte d'intention. C'est ça qui fait le mystère. Oui, oui, je vois. Insondable du personnage. Je vois ce que vous voulez dire, vous le formulez d'ailleurs beaucoup mieux que moi, parce que quand on compose un personnage, on n'y pense pas peut-être en termes même aussi exacts de diagnostic psychologique, je dirais. Mais enfin, c'est juste. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est de lui faire trouver, enfin d'aider à lui faire trouver, car une fois de plus, je ne vais pas tirer la couverture à moi, il y a des choses qui sont de Piala, et de toute façon, il s'approprie tout. Et puis c'est très bien comme ça. Mais par exemple, le fait qu'elle fauche le sac. Ah, le fait qu'elle fauche, c'est pas de moi du tout, ça. Non, ça c'était tout à fait antérieur. Et qu'elle réclame du fric après. Moi, alors là, c'est une chose que je trouve extraordinaire. Elle met des millions dans un sac, et après, elle dit... Ça, c'est du Piala, ça. Ça, c'est du Piala. Ça, c'est la formidable ironie de cette scène où on retrouve la fille qui a dans le sac cette fortune. Et qui est en plus bien visible, le sac est bien visible. Qui pose le sac bien à l'évidence et qui demande en plus 500 francs pour prendre le TGV. C'est ça qui est strictement pour rien dans cette scène, je veux dire. Je le déplore, remarquez. Lui faire trouver, en tout cas, à ce personnage de Noria, sa maturité. Et je pense que à travers tous ces refus affectifs qu'elle oppose comme ça à la passion de Mangin, une passion d'ailleurs auquel lui-même y croit-il complètement. C'est-à-dire que la dernière scène entre Mangin et Noria n'a de sens qu'à partir du moment où Mangin semble déjà avoir accepté cette impossibilité et cet échec avant même de l'entendre dans la bouche de Marceau. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Et de lui faire trouver cette maturité qu'elle a à la fin, cette force. Cette force féminine que Marceau, dans son côté buté, à mon avis, incarne très bien. Moi, je trouve qu'elle... Ah non, mais je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique, oui. D'ailleurs, Piala l'a reconnu lui-même. Elle est très bonne, Marceau. Et à la fin, pour cette fille qui a 18 ans, comme dans cette voiture, avec son collier, d'ailleurs habilement habillée là, par la habilleuse, comme ça, beaucoup plus en femme, ça a une très grande force. C'est pour ça que quand on parle de misogynie quant au film, je trouve ça très, très bébête et con-con. Pas du tout. Le personnage de Noria doit être vu comme un personnage qui trouve une sorte d'intelligence, de maturité très tôt dans sa vie. Il y a quelque chose de très important en conclusion, c'est que on peut traduire ça en termes autres. Il y a cette fameuse réplique dans le premier ouvrage de Louis-Ferdinand Céline, qui est sa pièce, L'Église, dans laquelle il y a cette réplique qui dit à peu près « Ah, Ferdinand, tu passeras ta vie à aller chercher entre les jambes des femmes le secret du monde ». Très évidemment, le secret du monde intéresse infiniment plus Piala et Mangin. Oui, Mangin cherche partout. Que de savoir qui réellement trafique l'héroïne. Exactement, et il cherche ça, comme le dit Yann Dedet, chez la barmaid occasionnelle. Entre les jambes des femmes. Qui apparaît deux secondes, chez Marie Védret qui le repousse. Et c'est pour ça que là, je rends hommage au monteur, Yann Dedet, c'est que c'est formidablement articulé, c'est-à-dire la scène de séduction entre Védret et Mangin, la boîte de nuit où tous les désirs sont possibles, où chacun flirte un peu avec tout le monde, et puis ensuite pour arriver à la scène d'amour entre Mangin et Marceau. Ça aurait pu être Rocard, c'est Marceau. Voilà. Bon, d'accord. Alors, la question demeure, c'est qu'il y a un moment où elle ment. Mm-hmm. Bon, et ce qui est fantastique, c'est de penser que, parce que ça c'est un supplément à ce personnage qui est un personnage mythologique au bout du compte, hein, qui est un personnage de qui est la femme telle qu'aucun amant jamais ne la connaîtra, enfin puisque elle détient le secret du monde. Mm-hmm. Elle passe et puis on le. Bon. Et ce qui est fantastique, c'est de penser que elle, à partir du moment où elle cesse de mentir, donc ouais, à partir du moment où elle dit la vérité, elle ne peut plus que s'enfuir, disparaître. C'est cela, oui, oui. C'est ça le sujet du film. Elle ne peut plus que s'expulser elle-même de l'histoire. Et donc, finir le film, quoi, oui. puisque le secret du monde, elle l'emporte avec elle. Tant pis pour Mangin, tant pis pour Céline, tant pis pour Piala. Voilà, c'est un peu ça. Si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur la fin du film, c'est que comme elle s'est élaborée donc au cours du tournage, il est bien évident que nous avons pensé, enfin que Piala pensait à des fins qui aient un caractère plus spectaculaire sur le plan de l'action. Il bon. En a parlé, oui. Oui, alors ça, bon, je ne sais pas, j'ai pas entendu votre émission avec lui malheureusement, mais ça a été envisagé avec des coups de feu, des morts, Noria morte, Mangin mort, enfin tout cela. Puis finalement, ça a été écarté, c'est tombé comme une peau morte, parce que ça paraît... De toute façon, tout ce qui est directement spectaculaire, tout ce côté thriller paraît à Piala artificiel, d'ailleurs il a tout à fait raison. Et on est resté sur la vérité des personnages, sur eux, enfin, avec la caméra formidablement attentive à ses visages et à leur échec, voilà, à leur identité. Et c'était, à mon avis, la seule façon de conclure, même maintenant avec le recul, si tant est qu'on puisse avoir du recul... Ça me semblait la seule fin possible. Bien, alors, on va passer maintenant au plateau, c'est-à-dire à Jacques Loiseleu. Derrière, on dit toujours derrière, alors que vous êtes l'œil collé absolument à cet œilleton en caoutchouc. Oui, c'est pas derrière la caméra, c'est derrière l'objectif. Derrière l'objectif, ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe, Jacques Loiseleu, avec... D'abord, est-ce que c'était la première fois que vous travaillez avec lui ? Non, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Bon, donc, vous commencez à connaître l'animage. J'ai fait Loulou et À nos amours. Vous aviez fait l'image de Loulou, oui, entièrement, et l'image d'À nos amours, entièrement. La différence, là, c'est qu'il y a la participation de Tovoli à la lumière. Mmh. Oui, alors, comment ça se passe, alors, avec Piala ? D'abord, moi, j'aimerais revenir à l'introduction de Caroline Champetier, tout à l'heure, qui parlait de l'intimité du plateau, qui n'est pas un lieu médiatique et... Moi, je peux dire que ça fait 25 ans que je fais du cinéma. Je n'ai jamais osé assister au tournage d'une scène, d'un plateau, d'un copain. Je sors quand on tourne. Ou même, je n'y vais pas. Pratiquement jamais. Parce que quand on est sur un plateau, c'est vrai que c'est un lieu complètement curieux où il ne peut pas y avoir de spectateurs. Parce qu'il se passe des choses, il se dit des choses. Il y a des choses qui traversent comme ça. C'est le seul endroit où on rencontre cette intensité, et surtout avec Piala. Là, je crois que tout spectateur est définitivement interdit sur un plateau de Piala. Il n'y en a pratiquement jamais. Quand il y en a, on le fait sortir. Et en fait, on pourrait penser que c'est la pudeur. Ou... Non, mais quand on essaie de faire autrement, ça ne marche pas. Et avec Piala particulièrement, parce que Piala demande de saisir avec la caméra... Ce qu'on arrive en principe jamais à saisir, c'est-à-dire quand on a le scénario, les acteurs, que tout le monde a bien compris, on tourne la scène et on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Avec Piala, en tous les cas, ça ne suffit jamais. Il frotte un peu les acteurs les uns contre les autres de manière à ce qu'ils se chargent de quelque chose et il réclame qu'on saisisse l'étincelle qui va jaillir entre les deux. D'habitude, on ne saisit que le bruit du tonnerre avec le recul, avec le décalage, mais on a rarement l'étincelle. Et Maurice veut qu'on saisisse l'étincelle, ce qui est vraiment le travail beaucoup plus difficile et beaucoup plus passionnant, bien évidemment. Ça suppose une grande attention, une disponibilité, une maîtrise totale, évidemment, technique, ça c'est la base. Mais ensuite... Enfin, moi, je sens que je suis dirigé un peu comme les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, Maurice fait une direction d'acteur pas au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, il n'a pas la brochure à la main en train de lire le texte. Il environne les acteurs d'un certain nombre de barrières comme ça. Il leur crée des pièges, il cherche l'accident. Lui considère que la direction d'acteur, ça se limite au fait de demander à l'acteur s'il a lu la scène. S'il a lu la scène, il n'y a qu'à la jouer, c'est simple. Et en fait, il a raison, parce qu'après ça, si on l'a lu et qu'on l'a sait par cœur, on peut jouer. Après, il faut rentrer dedans, ça, c'est tout le travail. Et il faut pouvoir la saisir au moment où lui considère que l'étincelle va jaillir. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de ne pas tourner à des moments où l'étincelle était là? Oui, sûrement. C'est-à-dire que ça, c'est... En fait, l'étincelle, en plus, on ne la voit pas. C'est ça qui est très, très difficile. C'est que si c'était vraiment un éclair, on saurait quand on s'est trompé ou quand on ne s'est pas trompé. Là, c'est pire que ça. C'est que quand on recommence, ça marche autrement. Enfin, c'est encore une autre étincelle et c'est toujours une autre étincelle. Vous pouvez donner des exemples précis sur ce dernier film ? Difficile, c'est permanent. Sur les scènes que vous avez citées, des regards dans... Comment arriver à faire passer, sans faire un gros plan, le sac dans lequel est l'argent et l'héroïne. Et Marceau, ayant le culot d'ouvrir le sac devant tout le monde, avoir tous les regards dans un seul plan, s'apercevoir que personne ne s'aperçoit de ça, sans le tourner d'une manière classique, c'est-à-dire découper, regard de l'un, ce qu'il doit voir, ce qu'il ne voit pas, évidemment, puisqu'il regarde d'ailleurs. On voit très bien comment Hitchcock aurait fait un sort au sac, ça c'est sûr. Peut-être, c'est une autre manière de monter le suspense. En fait, ce film n'étant pas filmé comme un polar, enfin... Moi, je n'ai pas travaillé de cette manière-là. J'ai vraiment eu l'impression de faire un film d'amour. Oui. Enfin, arriver à saisir quand même ces notions-là, qui sont quand même les notions classiques du polar, et sans appuyer dessus, c'est tout ce que demande Maurice. Et là, il ne donne pas d'indication de « on met la caméra là, on met tel objectif », il ne dessine pas le plan. Simplement que je suis, comme les acteurs, contraint de ne faire que ce qu'il désire sans qu'il l'explique. Et qui décide de l'emplacement de la caméra ? C'est confus, c'est une discussion, ça, un peu avant, enfin, de l'esprit de la scène telle qu'elle va se développer dans le décor. Hein. Séquence par séquence, on a comme ça une petite explication de 5 minutes sur ce qui va se passer. Et après, ma foi, des fois, il a une idée très précise du départ du plan. D'autres fois... Moi, je dis, tiens, je serais bien là, mets-toi là. Dans ce film-là, c'est difficile de dire... On a été tout le temps en tension, et tout le temps, je pense, assez juste, parce que les acteurs étaient quand même... On savait vraiment vers quoi ils allaient. Enfin, on sentait tout de suite, ça sort tellement de Gérard Depardieu, de Sophie Marceau, de Pascal Recard, et des autres que j'ai oubliés dans Codina... Je veux dire que c'est assez évident ce qu'il a filmé quand même. Oui, alors, quand même, vous avez pris le bon exemple, hein, Jacques Loiseleu, parce que, en disant, enfin, la comparaison avec un cinéma classique, un cinéma d'enjeu dramatique traditionnel, il est bien évident que ce qui fait passer le film du point de vue scénarique pur, d'une enquête sur un trafic d'héroïne à une histoire d'amour entre un commissaire de police et la complice de trafiquant d'héroïne, il est absolument clair que police est l'exemple même d'un enjeu dramatique qui n'est plus ressenti comme primordial. C'est-à-dire qu'on en est arrivé pour la vie comme pour le cinéma à cette idée que les enjeux, que le poids des enjeux importe moins que l'intensité du jeu. Bon, que l'intensité ludique, disons, pour employer un terme... Mais en plus, il est très vrai, là, parce qu'il y avait un grand plaisir, quand même, à jouer, quel que soit le... Bon, alors ça, c'est de ce point de vue-là, c'est ça qui fait la force de police. C'est-à-dire que... on voit très bien comment il se débat dans ses interviews. Ne me dites pas que c'est une chronique, ne me dites pas que... bien sûr, il y a une intensité fantastique. Il y a une intensité fantastique, mais c'est une intensité du jeu. Parce que les spectateurs sont prêts maintenant. C'est-à-dire que les spectateurs sont prêts aujourd'hui à voir Rann, par exemple, à voir des 100 cavaliers dans le champ, et à se désintéresser du sort de la bataille. C'est-à-dire que on n'en est plus du tout à raconter Waterloo. Alors, il y a deux façons de raconter Waterloo. Il y a la façon Grouchy, ou Groucho, je sais plus, arrive en retard, et cette défaite qui était une victoire pendant jusqu'à l'arrivée de Groucho, brusquement devient une défaite à l'arrivée de Grouchy. Bon, parce que Grouchy n'est pas arrivé. Bon, alors, il est absolument clair qu'on ne peut plus raconter Waterloo comme ça. Bon. et qu'on ne peut plus le raconter non plus comme Fabrice à Waterloo, ce qui aurait été l'idée de la chronique contre laquelle Piala se défend, parce que malgré tout, il s'est passé des choses extraordinairement intenses à Waterloo. Mmh. Bon, alors donc, on ne peut plus faire que Run ou Police, c'est-à-dire tout centré sur l'intensité de ce qui se passe dans la tête des personnages, et intensité d'autant plus violente que c'est une intensité qui se nourrit d'elle-même. Yann Dedé, alors, vous n'avez pas eu de soucis à cet égard en vous disant « Mais quoi, on est en train de raconter une enquête policière ou on est en train de raconter une histoire d'amour ?» Vous n'êtes jamais posé la question ou vous vous êtes posé la question ? Non, jamais. Moi, j'ai vu les rushs en entier. J'ai vu quelque chose de complètement linéaire. J'avais la trouille à chaque plan, même en rush, quoi. C'est-à-dire, j'ai senti quelque chose de complètement linéaire. C'est après que je me suis aperçu... La trouille à chaque plan, ça veut dire quoi ? J'ai vu les rushs dans l'ordre du film, avec les claps, avec tout, entier, avant de commencer à monter, puisque tout était tourné quand j'ai commencé à monter, cette fois-ci. J'ai pas commencé pendant le tournage. Et je suivais l'histoire, malgré les claps, malgré les répétitions, quelquefois 15 prises, etc. J'avais peur de ce qui allait arriver. Donc moi, j'ai vu le film. En vrai, je l'ai vu déjà. Donc moi, je suis tombé devant quelque chose d'évidemment très très fort, qui me posait pas de problème. Et c'est après que je me suis aperçu que le film avait deux parties, une plutôt comme ci et l'autre plutôt comme ça. Mais il y a eu un truc évident dès la vision des rushs, c'était que c'était plein. Simplement les rushs dans l'ordre. Oui. Juste oui. L'ordre. Oui. Mais ils ont été tournés dans la chronologie, je crois, en grande partie. Pratiquement toute la BT a été tournée au début, et puis je crois que c'était pratiquement... La BT, c'est la brigade territoriale. Jamais tout à fait dans l'ordre, mais bon. En gros, on peut dire que c'était pas mal, mal dans l'ordre. Voilà, moi j'ai jamais eu de souci effectivement de me dire il y a deux parties, ça m'est pas apparu par exemple qu'il y avait deux parties, alors que c'est évident, bon c'est évident qu'il y a une partie plutôt policière, une partie plutôt d'amour, disons en gros, ce qui ne veut rien dire du tout. Il y a surtout tout un moment où il y a une profusion de personnages, de second rôle, de visages, de corps, d'accents, etc. Puis que petit à petit il y a une épuration. Oui, c'est ça. Qui va dans le sens de personnages de fiction qui eux porte quelque chose, ce que disait Claude sur l'intention ou l'inattention. La femme sans intention, c'est une femme fatale aux hommes et à elle-même. Hein. C'est Dieu. Dieu n'a pas d'intention sur nous. C'est bien le problème des mystiques. C'est-à-dire oui, que... enfin, c'est Dieu. Oui, c'est tous les mystères métaphysiques. Enfin, je dis Dieu. Excusez-moi pour ceux qui... Non, mais il est certain que toutes les histoires de mystiques difficiles, le journal de la Curie de Campagne, c'est l'histoire de quelqu'un qui se trouve en face de quelqu'un qui, très visiblement, ne lui donne pas, ne lui assigne pas un destin. C'est à lui de le trouver. Alors qu'on a toujours tendance à être superstitieux, à dire « J'ai rencontré cette femme, elle a été fatale, elle m'a assigné un destin, elle a voulu que je sois comme ça. Elle a voulu que ma vie soit dessinée de cette façon-là. » Sophie Marceau n'a aucune espèce d'intention sur le destin du commissaire Mangin. Si Piala a été peintre, il n'y a pas d'innocence à ce fait qu'il y a une espèce d'épuration. On a l'impression de quelque chose qui fourmille. Ah oui, ça sûrement. Ça qui sûrement. Fourmille de visages, de couleurs et d'accents. Et que petit à petit, c'est pas qu'on les déblaye parce qu'ils sont à déblayer. C'est qu'il y a une ligne qui se forme, comme tu dis, et que tu as dû la voir aux roches, ça c'est sûr. Et qui va vers le point central du film. Oui, mais l'épuration est évolue aussi. Hein. Il y a un personnage qui a été supprimé, qui était la femme de ménage de Pardieu, qui a disparu parce qu'elle était... c'était des très belles scènes. C'est pas une question de... Elle est partie en vacances, oui. Il y a une scène à la fin où il proposait de rendre l'argent qui a disparu. Et l'épuration s'est faite quand même aussi volontairement. Oui, on a suivi cette ligne-là qui était évidente, implicite. On l'a renforcée, comme bien d'habitude. Oui. D'habitude, non, mais ce qui est étonnant quand on parle avec... Piala, c'est la façon dont il biaise. Vous, pas du tout. Hein. C'est pas du tout votre cas. Vous avez vraiment dit des choses. Dans quel langage s'exprime-t-il pour dire je veux ceci, je veux pas cela? Ah, je sais pas. Ça, c'est... On parle pas comme ça. On parle vraiment pas comme ça. On fait. Jamais je veux ceci. On fait sans arrêt des choses. Parce que lui-même n'a jamais d'intention, je voudrais faire une scène comme ci, comme ça, etc. C'est un détail. Bon, la scène de la fin avec les dresses, c'était le cocotier qui était important parce que Gérard, dans le lit avec l'autre, dit avec Marceau, dit qu'est-ce que t'as à foutre sur une plage, les cocotiers, les requins, tout ça. Ça vient comme ça, ça vient sur des petites touches, ça vient sur des impressions toujours réelles, ça ne vient jamais sur une intention. Voilà, c'est je crois qu'il ne se pose jamais les problèmes de scénario ou de scène ou en termes d'intention. C'est toujours elles viennent, lié... Elles viennent avec la réalité, ouais. Les intentions. Toujours lié à la réalité. Moi, je pense que pour bien se rendre compte de ce qui se passe sur le plateau, au moment où, par exemple, Sophie Marceau avoue à Mangin, enfin à Depardieu, que finalement le sac est dans la consigne, est à la consigne, C'est encore une scène où elle ment, enfin c'est une scène, mais où tout d'un coup les deux personnages, on les voit pour une fois dans les bras l'un de l'autre, et sont très proches l'un de l'autre, ces deux personnages parallèles se retrouvent, et Maurice m'a simplement dit, il faut bouger autour de cette scène, tout le temps, il ne faut jamais s'arrêter autour de cette scène, c'est tout, autour de la scène, la caméra bouge tout le temps, il y a une espèce d'incertitude comme ça, rien n'est vraiment fixé, parce que cette scène-là, cet aveu, elle le fait du bout des lèvres. C'est peut-être le seul moment où elle est sincère, et le seul moment où elle s'aperçoit sûrement aussi qu'elle n'a plus besoin de Mangin, et qu'elle peut, elle peut s'en servir. Il y a pourtant une réplique, une seule réplique qui est vraiment lourde de sens. C'est quand, c'est quand ils sont dans la chambre et qu'il est question de... Vous pouvez la redire, cette réplique. C'est quand Mangin se laisse aller une réflexion sur l'existence. Et sur... Ah oui, alors ça, je dois dire que ça, c'est ce côté citationnel. La phrase de Chardon, vous voulez dire. Oui, Chardon, oui. Ça, c'est complètement de Piala. C'est lui qui l'a apporté. Vous pouvez la répéter. Le fond de tout est horrible. Voilà. Il dit d'ailleurs, il se trompe, d'ailleurs, oui. Depardieu, il dit oui. Le fond de tout est pourri tout, et il rectifie horrible. Oui. C'est un peu la même fonction, je crois, pour Piala, que dans À nos amours, la phrase de Van Gogh, la tristesse durera toujours. Il isole étrangement, comme ça, en fin de film, une phrase qui lui plaît, généralement pas d'un optimisme serein, évidemment, mais qui lui correspond et qui lui semble une nécessité. Là, c'est lui qui l'a apporté, ça, c'est pas moi du tout. Et aussi, la dernière scène, le « Dans un mois, dans un an » de Racine, c'est aussi lui qui l'a rajouté. Puis il y a aussi un moment, quelqu'un qui dit « Elle a 19 ans, elle croit pas à l'amour hein, ». C'est Mangin qui dit ça à Sandrine Bonner. Oui. Ça vient de 19 ans et tu crois pas à l'amour. Ça vient de À nos amours et puis ça vient de Musset encore. Ça vient à la fois de À nos amours et de Musset. Oui. Et c'était dans À nos amours. D'ailleurs. Exactement. Oui, c'était dans À nos amours. Dans la scène. Textuellement, sauf l'âge qui change. Mais dans la scène de Musset qui a, je crois, été coupée dans À nos amours. Mais... Alors je vous pose parce qu'on arrive en bout d'émission. Je voudrais dire un tout petit quelque chose. Je crois que chaque scène est abordée par Piala absolument sans préjugés. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il cherche et il trouve la vérité de chaque scène, sans l'avoir concertée en termes formels, encore qu'il ait des points de vue sur la mise en scène très précis, comme le siège avec Loiseleu. Et en même temps, il laisse la chose arriver. Il arrive à cette espèce d'étrange catharsis vital dans la mise en scène. C'est ça qui me semble très très très fort chez lui. Il n'y a souvent pas une concertation extrême, et c'est pour ça aussi que très souvent, ces scènes que nous écrivions avec Sylvie Danton, que je n'ai pas citée, parce qu'elle a eu un rôle très important, il les lisait peu de temps avant, quelques heures avant, quitte ensuite, ou à nous les jeter à la tête, d'ailleurs c'est arrivé très rarement, ou bien à les reprendre, ou bien à les filmer tels quels. Et il n'y a pas, chaque scène sur laquelle j'ai travaillé, chaque scène a créé sa propre nécessité. Certaines scènes ont été tournées telles quelles, d'autres ont été réécrites par lui, d'autres ont été abandonnées. C'est un art sans préjugés qui cherche une vérité profonde. Voulez-vous me dire, c'est la question que je me suis posée en sortant du film, voulez-vous me dire pourquoi ce film où il n'y a pratiquement pas, alors que dans Loulou, il y en avait, et dans Nos Amours, il y en avait, il n'y a pratiquement pas de scène d'aucune façon, il y a la scène dans le commissariat, enfin dans la brigade territoriale où il essaye de faire l'amour à Sophie Marceau, alors qu'il y a encore plein de types qui circulent dans les couloirs, etc. Mais pourquoi est-ce que ce film est tellement érotique? Pourquoi est-ce que ce film est tellement chargé de désir, enfin tellement chargé de force, de violence érotique? Est-ce que vous avez une réponse, Jacques Loiseleu, Yann Dedé ou Jacques Tisky? Je répondrai Depardieu, moi. Oui, moi aussi, oui. Je répondrai Depardieu pour le... Oui, c'est vrai que dans ce film, il s'est passé quelque chose, c'est les retrouvailles de Depardieu-Piala. C'est ce qu'on raconte, mais c'est plus que ça, je crois. C'est une fantastique envie de jouer de Gérard. Et je peux dire que c'est l'acteur... pour l'instant, qui m'a donné le plus de plaisir à filmer à cause de ça, parce que c'est facile. Enfin, on se demande plus si un cadre est bon après avoir filmé Gérard. Ça va tout seul. Je veux dire, même à la fin, je me demande si je l'ai filmé, si j'ai pas regardé à côté de la caméra, parce que ça va tout seul. Quoi. Il entraîne même dans des mouvements très difficiles. C'est le même problème. Alors, au montage, il y a trop de prises bonnes. Oui, il y a trop de prises bonnes. Et pour les acteurs qui sont en face de lui, c'est pareil. Il y a un magnétisme autour de tout ça qui fait que, oui, l'érotisme est très très fort et on le ressent sur le plateau. On revient à la proposition de départ. C'est là où, quand il se passe des choses à ce point-là sur un plateau, on a une grande humilité. Enfin, la fin des prises se passe un peu dans le silence. On se demande plus si c'est bon parce que c'est pas le problème. On se demande simplement si on a encore une fois la possibilité de la refaire, la force de la refaire. Parce que l'intensité, à partir du moment où on s'intéresse à elle essentiellement, hein, puisqu'on est en quête d'elle, faute de tout le reste, est-ce qu'elle n'est pas par nature, est-ce que sa seule expression, au bout du compte, ça n'est pas... on voit bien comment Mangin... On voit bien comment l'envie que Mangin a des femmes est à la fois métaphysique, va chercher la vérité du monde, mais en même temps, du fait qu'il est simplement en état d'intensité, ça se traduit par ça. Ça se traduit par une fièvre, enfin. Et la fièvre, et quand on a la fièvre, on sait bien qu'on est dans un état voisin du désir. On ne sait pas d'où elle vient et on ne sait pas où elle va. Et c'est la même chose dans la mise en scène. J'ai bien essayé, moi je l'ai vu maintenant 2 fois et demi, je suis retournée hier, je l'ai revu. Je n'arrivais pas en me concentrant, et pourtant, d'habitude, j'y arrive toujours, à savoir quel était le début du plan et quelle était la fin du plan. C'est-à-dire, très souvent, le plan suivant au montage recommençait, et je me disais, mais est-ce que la collure est passée ? C'est-à-dire qu'il a une façon d'être au cœur du plan quand il commence déjà le plan. Je crois que ça doit venir pas mal du, enfin, je crois que ça doit venir pas mal du montage. Mais il doit tellement chauffer les acteurs sur le plateau qu'il doit y avoir un moment où on doit se demander si on n'est pas déjà en train de devoir filmer. Puis bon, le moteur est demandé, ça, et oui, on doit commencer à filmer, et on est déjà au centre de quelque chose. C'est-à-dire que le désir, c'est quoi ? Le désir, c'est un centre. Il n'y a pas d'avant du désir et d'après du désir. Avant le désir, c'est pas le désir, et après le désir, c'est plus le désir. Mais le désir, c'est un centre, c'est vraiment incandescent. Et c'est ça qui est assez, assez curieux dans ce film, mais qui en fait ce côté plein, quelquefois trop plein pour moi, mais plein, quoi. Et qui est responsable de ça, entre Piala et Depardieu, on ne sait pas. L'un était un métal qu'on pouvait chauffer à blanc, et l'autre était capable de le chauffer, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ah non, mais quand Depardieu parle de Renoir et de Michel Simon, il y a quelque chose qui se passe dans... Il y a vraiment une espèce d'envie réciproque. Enfin, il avait envie, il a trouvé. Parce que quand Depardieu dit j'ai pensé à Piala, pour jouer, j'ai pensé à Piala dans Nos Amours quand il joue lui-même, on peut complètement inverser les termes. On peut complètement dire comme Renoir dans Boudu ou dans La Chienne a envie d'être Michel Simon. Oui, tout à fait. C'est complètement réciproque. Donc de ce fait, c'est pour ça que ça joue avec une telle. C'est pour ça que ça joue avec une telle force, et que Depardieu a mille fois raison d'une part de demander, apparaît-il, enfin c'est ce qu'il dit dans Cinématographe, qui est une fort bonne revue, vous avez eu tort de laisser tomber. Mais pas encore. Non mais c'est vrai que le travail de Cinématographe sur, je le dis parce que je le pense, je l'ai reçu ce matin, j'ai pas tout lu, mais le travail de Cinématographe sur Police est remarquable. Enfin, remarquable. Bon, alors, il y a un grand entretien avec Gérard Depardieu où il dit que la première des choses qu'il fait quand il est sur un plateau, c'est demander aux gens quelle est leur vie sexuelle. Ce qui est drôle, parce que, et en même temps, on se dit pourquoi pas, je veux dire, si ça peut lui servir. Hein, si... Ah bah, j'ai tourné avec lui, j'étais enceinte de 7 mois, et avant chaque prise, il me mettait la main sur le ventre. et c'était curieux, mais c'était comme à aller prendre la vie où elle était, quoi. Ouais. C'est un voleur d'énergie fantastique. Il ne faut pas se laisser piéger, parce que c'est vrai qu'il vous pompe, il ramasse tout, hein, sur le plateau. Mais alors, on aura compris à la fin de cette émission pourquoi Maurice Pellas se comporte comme il se comporte. C'est-à-dire que quand on cherche ce qu'il cherche, on ne peut être que l'homme qu'il est par ailleurs. C'est-à-dire que ce serait absolument impossible d'imaginer un Piala diplomate, argumenteur, dialecticien, dessinant ses plans auparavant, entretenant des rapports délicieux avec quiconque, parce que compte tenu de ce qu'il cherche, il est absolument bien évident qu'il doit être comme il l'est et comme il nous est apparu la semaine dernière, peut-être pour la dernière fois, puisqu'il soutenait que c'était la dernière fois, au cinéma des cinéastes. Enfin, en tout cas, voilà, il ne nous reste plus que quelques secondes. Ce sont les dernières secondes d'une émission qui a duré 10 ans. et dont les historiens de l'an 2150 iront chercher les bobines en disant « Tiens, il y avait des personnages curieux qui parlaient du cinéma d'une certaine façon entre 1976 et 1985 », eh bien, voilà, il ne reste plus qu'à envoyer le générique du cinéma des cinéastes. C'était « Le cinéma des cinéastes » par Claude Jean-Philippe, deux émissions consacrées à Police de Maurice Pialat, diffusées pour la première fois sur France Culture les 8 et 15 septembre 1985. Pour les réécouter ou les télécharger, rendez-vous sur le site franceculture.fr à la page des nuits.